disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 31. Et une nouvelle fois, les démocrates ont été à la hauteur, nous sommes tous collectivement très fiers d'eux, par leur présence dans toutes les manifestations, le contenu vidéo qu'ils nous offrent, les photos... Ah, tout est au top, vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. On va y revenir dans l'émission. Mais avant cela, je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, démocratie participative en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, bien sûr. @protonmail.com, je répète, démocratie participative en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite également à vous inscrire sur le site Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante, eelb.su. Cela vous permet de commenter les émissions en tant que telles, les articles qui passent sur le site ou de débattre de différents sujets. Il y a toute une série d'autres sous-rubriques, notamment sur l'informatique, les crypto-monnaies, etc. Il y a aussi un guide racial des villes, toujours très utile. Bref, il y a de quoi faire. Avant de poursuivre et de remercier nos donateurs, je tenais bien sûr à présenter les membres de la semaine. Sans transition aucune, nous allons commencer avec... Pierrot, salut Pierrot, comment vas-tu? Bonjour Gandal, bonjour à tous, ça va très bien, je t'en remercie. Ah, et aussi avec nous cette semaine, Fulbert, salut Fulbert. Bonjour Gandal, et bonjour à tous. Nous rejoignons aussi cette semaine Alexis, salut Alex. Salut Gandal, salut à tout le monde. Le bonjour également à Captain America, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Captain. Salut Gandalf, salut les auditeurs, et bien entendu, je fais le rappel historique des deux slogans d'EDP, le premier étant, bien entendu, en avant Guingamp. En avant les nègres. En avant les nègres, bien sûr. Et, suite au miracle vendéen, le cardinal est présent pour nous expliquer la portée et le sens de ce moment très particulier de spiritualité française. Cardinal, comment allez-vous? Vous avez été réclamé par les masses, hein, dans les rues, hein, je veux dire, votre peuple vous attendait, il attendait votre parole, vous êtes parmi nous, ça nous touche, merci Cardinal. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde, effectivement, nous sommes à un moment un petit peu métaphysique, hein, où les énergies se rencontrent. Donc, par un hasard des circonstances, je me retrouve parmi vous. Oui, le hasard fait toujours bien les choses, bien évidemment. Alors, la providence, tout à fait. Oui, la providence qui a mené un nègre brûleur de cathédrale et tué un prêtre, hein, effectivement, il y a des choses comme ça. La providence aussi, comme je disais tout à l'heure, avant l'émission, a mené à ce qu'en un claquement de doigts, 100 000 nègres soient tués en une seule seconde. tremblement de terre d'Haïti en 2011, je crois. Donc, il y a des points comme ça qui sont très, très, très intéressants à observer. Je pense que vous nous aiderez à comprendre la portée du message divin. Vous en direz plus dans la partie qui sera consacrée à ce miracle vendéen. Je veux le croire. Je veux le croire. Avant de commencer l'émission, je vais remercier les donateurs. Alors, sachez, chers amis, chers auditeurs, que vous pouvez évidemment nous soutenir si vous le souhaitez en crypto-monnaie, en utilisant Monero, qui garantit l'anonymat, bien sûr. Surtout quand on constate aujourd'hui la répression qui se renforce, vous le constatez, vous le voyez, il devient pratiquement impossible quand on est militant aujourd'hui de recourir à des moyens de paiement traditionnels, que ce soit par carte bancaire, RIB et autres, hein. Enfin, vous connaissez tout ça, quoi. Donc Monero est l'arme de ceux qui veulent s'opposer à ce système. N'hésitez pas à vous familiariser avec elle. Premier don, bonjour camarade, mon paiement de 1 Monero n'était pas parti, car mon wallet n'était pas à jour. Conseil aux auditeurs, mettez tout le temps vos wallets à jour. En particulier pour Monero, où la sécurité est la priorité. Si possible, merci de me confirmer votre réception à l'antenne. Salutations hitlériennes, et c'est Kaiser Joseph. Alors, Kaiser, je n'ai pas encore pu vérifier cela, mais ça sera fait dans le courant de la semaine, et si jamais... des donateurs nous ont fait des dons et ont demandé confirmation et n'en ont pas reçu, qu'ils n'hésitent pas à nous réécrire. Il est possible, comme je l'ai expliqué par le passé, que leur courrier soit passé en spam, malheureusement. Merci en tout cas à Kaiser Joseph pour son soutien. Don numéro 2. Cher démocrate, je vous remercie de me confirmer un don de 0,2 Monero, que cette petite contribution permette de montrer à la masse zombifiée qui veut nous réduire à l'état de poulet de batterie. Toutes nos pensées pour Cassandre, victime de la haine talmudique. Force et honneur, maréchal, nous voilà, et c'est signé Father Louis. Merci, cher Father Louis. Oui, tout à fait, Cassandre a été interpellé très rapidement, hein, avec diligence par les services de Darmanin, l'ignoble gnome de la place Beauvau, avec le teint olivâtre et le nez... Aquilin, au-delà de... Oui, enfin, Aquilin, j'avais fait remarquer il y a quelque temps que le nez de Darmanin grandissait, on le voyait grandir de semaine en semaine. Ça a été repris dans le média juif, enfin israélien, I24 d'ailleurs. Hein. Donc on a eu une citation chez ce média, notamment sur la partie du nez de Darmanin. Je l'ignorais totalement. De ma part, en plus, hein, effectivement. Donc le nez de Darmanin, effectivement, est une excroissance. Enfin, c'est comme les types qui prennent des produits dopants dans le sport. Ils ont les appendices qui poussent. Et lui, il a le nez qui continue à pousser sans prendre de stéroïdes. C'est assez marrant. Quoi. C'est particulier, c'est juif. Hein, c'est comme ça. Une excroissance jérusalémique. Don numéro 3. Bonjour à toute l'équipe de DP qui profite de la remontée du cours du Monero. Qui vous a fait un don de 0,18 Monero? Qui c'est votre fidèle lecteur et ami Ferdinand. Je vous souhaite une bonne semaine, une excellente émission amicalement. Et donc Ferdinand, merci à toi Ferdinand. Voilà pour l'honneur. Merci à tous et merci aussi à ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne se manifestent pas, mais qui nous font des dons réguliers. Alors messieurs, commençons sur quelque chose de très léger, ok, découplé de l'actualité sanitaire et de l'actualité en général, mais j'ai remarqué cette vidéo très charmante finalement, très, très, très souverainiste, hein, c'était ça. Est-ce que vous avez vu cette magnifique vidéo qui tourne où on voit Monsieur Asselineau Madame qui... Ah oui, autant pour moi, voilà. Non, mais en plus, maintenant, on a le droit de changer de genre comme on veut, je crois. Genre, enfin, vous savez. Appelons-le le chapon, pour éviter... Oui, le chapon, oui, pour éviter... Le chapon souverainiste. Exactement. Alors, voilà, donc... Alors, mais danser avec son mignon, vous l'avez vu, ça? Bien sûr, on l'a vu. Alors, il dansait, et... Mais avec une légèreté, moi, j'ai... Enfin, la légèreté d'un pachyderme, je sais pas comment expliquer ça, c'est très... Oui, d'un hippopotame. Il y a la manière d'agiter ses bras, ses jambes, tout à fait ridicule, et le fait qu'il attrape, enfin qu'il éloigne son mignon en le tendant à bout de bras. Si tu oui, veux. C'est un genre de valse qu'il esquisse, hein, je crois. Hein. Ah non, c'est pas le valse. Non, c'est du rock. Il envoie au loin, et puis il le rapproche frénétiquement. Et puis, en même temps, il fait une avance du côté du bassin pour qu'il lui tape sur... Hein, vous avez compris, voilà. Ah. C'est un rite souverainiste avant l'accouplement. C'est un rite souverainiste, effectivement. Le rite souverainiste rectifié. Hein, là, c'est le rite souverainiste rectifié qui a été initié par, hein, on le sait tous, Paul Marie Couteau, hein, dans une backroom qui a découvert Charles de Gaulle. après s'être fait exploser l'anus dans une backroom, a découvert ça, par terre ça, ça, Charles de Gaulle. Ça, nous ne le savons pas. Par contre, ce que nous connaissons. Si, on le sait. Ça, on le sait. Oui, sur la backroom, oui, mais on ne sait pas s'il y a eu. N'est-ce pas non, en revanche, ce que l'on sait avec certitude. Les homosexuels sont la franc-maçonnerie de l'anus. Non, ça, je suis d'accord, mais dans la backroom. Il y a le rite, c'est un rite, voilà, c'est le rite souverainiste rectifié. Dans la backroom, on a le titre de l'ouvrage de Charles de Gaulle. Ce sont les chaînes. Non, de Malraux, à propos de Charles de Gaulle. Ce sont les chaînes qu'on abat. Voilà. Oui. Oui. Laissez maintenant le mystère parler. Alors, pour en revenir à Madame Asselineau, rouge, il était rouge sur cette vidéo, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué qu'il y avait un verre d'alcool sur la table. Il y a là quelque chose comme une espèce de... C'est des bacchanales, non? Hein? C'est les fêtes de Bacchus. Je pense que, enfin, il n'y avait pas que de l'alcool. Il y avait sûrement des espèces de drogues que ces gens prennent pour se dilater un petit peu partout. et que ça explique le fait qu'il avait une tête de pomme rouge. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. L'alcool hein. ne change pas la personnalité. L'alcool désinhibe. En fait, ça montre la vraie personnalité du personnage. Voilà, c'est ça. Ah oui, moi, quand il m'arrive d'abuser un petit peu de l'alcool, il m'arrive de proférer, en fait, de penser à voix haute. Alors, c'est problématique parce que je pense à des soustractions de personnes en particulier qui sont bien désignées, et ça m'arrive dans des lieux publics. Ça m'est arrivé dans des gares, donc ça peut poser problème. Mais en même temps, c'est raccord dans les gares. Oui, oui en place, plus, hein. Les gares concernées étaient bien. Oui, c'est dans ce coin-là en plus. Oui. Donc c'était la thématique historique. Ouais. Non, tu vois. C'est ça. Alors, mais j'ai vu d'autres vidéos, moi, que je découvre. On voit Asselineau en Cruella. Je connaissais pas ça, moi. Avec des filtres Cruella. Je sais pas si nos auditeurs imaginent. Non, mais les gamins, ils adorent ça, ces trucs-là, vous savez, les filtres-là. Tu sais, on dirait les filtres chiens des Instagrammeuses, en fait. Mais ouais, mais genre les 101 Dalmatiens, ces trucs-là. Mais là, il y a Asselineau qui visiblement est totalement rétamé, quoi. Hein. Je veux dire, je sais pas ce qu'il a. Enfin, probablement, c'est de l'alcool, quoi. Hein. Ou du popper, je sais pas. Mais il est totalement rétamé, mais il est avec un filtre Cruella et tout. C'est quoi le groupe de musique qui joue en fond, là? Oh, c'est des trucs des années 80, ça. C'est Mylène Farmer, non? Ah ouais, non, mais voilà, quoi. C'est-à-dire les trucs... le plus horrible qu'a pu pendre la chanson française ces 15 dernières années, quoi. Bon, non, il y a quand même plus horrible. Non, c'est vrai que c'était pas horrible. Est-ce que tu comptes le Québec dans ton équation? J'ai une question à poser. Oui ou non? Le téléphone. Il y a quand même des belles-mères qui sortent maintenant, mais à l'époque où c'est sorti... Et c'est maintenant encensé comme étant une espèce de truc, soi-disant, c'est particulier, machin. Bon, Mylène Farmer, c'est de la merde. Hein, si tu veux des musiques un peu de gauchistes 68ards, un peu bien, alors bon, je vais peut-être me faire taper, mais Michel Polnareff, c'est quand même autre chose. Tu vois, c'est quand même, pour moi, musicalement parlant, ouais. Ça se tient un peu, quoi. Ouais, oui, bah oui. Et même au niveau des textes, l'autre Mylène Farmer, c'est de l'eau tiède, quoi. c'est des trucs... c'est nul. Ouais, mais du coup, là, sinon, il est en désaccord avec toi. Ah ben, j'espère bien. oui. Enfin bon, en tout cas, c'est anecdotique, hein, autisme radical, mais j'étais quand même frappé de voir... Alors, c'était dans un cadre, ils étaient en costard, hein, il y avait Anecdotique. Bah, ça avait l'air d'être dans un cadre de travail, mais comme si le cadre de travail non, avait mais si, un peu... Si tu veux, ça fait quand même quelques années que l'on dit... Que l'on affirme, hein, que, voilà, on vous affirme, hein, avec quand même quelques éléments, que le souverainisme français est une annexe du mouvement LGBT. Bon, force est de constater que on n'a pas encore d'éléments qui nous permettent de venir contredire cette affirmation. Donc, oui, bah, on va en reparler avec le funeste Philippot d'ailleurs. Ah oui, ça fait. On va en parler, mais comment dirais-je ? Non, mais évidemment, c'est anecdotique, je veux dire, c'est pas un fait politique majeur. Mais Asselineau, j'ai presque envie de dire. En fait, je crois qu'il aurait pu en jouer à fond s'il avait assumé dès le départ. En fait, c'est ça qui aurait été d'ailleurs assez désastreux, mais tellement révélateur de notre époque. C'est qu'en fait, s'il avait joué la carte de la folle assumée dès le départ, à la limite, ça lui aurait permis d'utiliser un certain filon en termes de code de popularité en jouant un peu la folle du spectre politique français, quoi, la folle assumée. Ben ça marche assez bien, si tu veux. Bon, déjà on a Emmanuel Macron qui est président de la République, qu'on sait pas trop bien ce qu'il fait entre sa vieille et Benalla. Entre les femmes blanches et les gens, la patte de Goy normie, pour qui prendre son anus pour un thermomix est quelque chose de normal, oui, effectivement, il aurait pu jouer là-dessus. Il restait bloqué dans des codes, ouais, du 20e. Qui n'existent plus. Il a quand même fait une petite vidéo confession, bon, ça remonte un peu. Hein. Il a avoué qu'il avait des sentiments amoureux. Non, il a dit, mais c'était en mode amour platonique. Oui, grec, tu vois. Non, mais c'est pas. Je sais pas trop pour Plato, vois, mais peut-être pour. Ouais. Non, mais je pense. D'un homme, il faut lui lécher les testicules pendant 1h30. Je pense que c'était plutôt de cet ordre. Alors messieurs, rubrique numéro 2, le sale juif de la semaine. Et en fait, c'est tellement, tellement réducteur comme rubrique, mais bon, il faut bien en choisir un malgré tout. Cette semaine, c'est Franck Tapiro, hein, Tapiro, vous avez compris, Tapiro, Shapiro, c'est un peu les mêmes noms. Alors, Tapir, hein, le nez aussi. Le nez. Alors oui, c'est ce qui me vient de suite, c'est-à-dire que Franck Tapiro, effectivement, bon, on sait, enfin, la sagesse médiévale nous enseigne que les juifs avaient l'habitude de se nourrir au lait de truie, hein, la Judenso. Hein. Je pense qu'en Afrique, c'est pas que je pense, c'est qu'en Afrique du Sud, il est à peu près certain, par analogie, que les juifs se nourrissaient au lait de la femelle tapir. Et Franck Tapiro, ça se retrouve sur sa tête. Il se retrouve le fait que pendant des générations, les petits Hébreux qui étaient en Afrique du Nord, hein, enfin de l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte, devaient se nourrir au lait de femelles tapir. Il y a vraiment un air de famille, c'est flagrant. Alors ça c'est flagrant. Alors pourquoi lui, pourquoi Franck Tapiro est élu salut de la semaine. Bien sûr. Alors Franck Tapiro, publicitaire, ex-conseiller médiatique de Sarkozy et cofondateur de Data Calab. Calab, c'est un jeu de mots, hein. Calab. Cabal. Cal. Hein, non, Cabal. Ça va. Cabal. Oui. La start-up d'intelligence artificielle connue pour avoir détecté le port du masque dans les transports. Annonce organiser une manifestation pro-passeport sanitaire le 19 septembre au Trocadéro. Ok, donc c'est l'Empire contre-attaque. On va l'écouter un petit peu parler, donc Franck Tapiro. Alors il est très sûr de son fait et on se retrouve. Nous allons lancer un grand rassemblement citoyen le 19 septembre prochain, dimanche 19 septembre prochain. Pourquoi ? Bah pour le bien commun et pour montrer qu'il y a des gens dans ce pays, pas 230 000 personnes anti-vax, ça c'est tous les projets. Pour contre-attaquer par rapport à ce mouvement ? Bien sûr, il y a des millions de gens citoyens pour qui le bien commun a du sens, pour qui l'autre a du sens, pour qui se protéger, protéger l'autre a du sens. Donc on fait un appel citoyen pour que ce rassemblement de la place du Trocadéro, on est en train d'organiser ça. C'est ça, c'est 19 septembre, place du Trocadéro. 19 septembre, dimanche 19 septembre. Alors messieurs, bon... Je peux commencer ? Oui, parce que là, si tu veux, de ma part, il y a une certaine lassitude. Alors, non, moi, ce que je remarque de suite, c'est que ce juif parle de bien commun. Alors là, quand tu parles de bien commun, on peut être tout de suite, voilà, on souffle, on sait que le juif ment, de suite ça va. Parce que quand le juif défend ses intérêts, etc., enfin, voilà, défend ce qui est pour lui, là, il parle d'intérêt général. L'intérêt général, c'est son intérêt à lui. Quand il parle de bien commun, il parle de quelque chose qui n'existe pas. Hein. En fait, c'est un mensonge pur et dur. Donc, voilà, ça, c'est ce qui me marque le plus, bon, outre cette péninsule, là, au milieu de la figure. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, évidemment, dans toute l'architecture du système sanitaire, nous avons affaire à un juif. Donc là, c'est un histrion juif qui, visiblement, fait dans l'agitation médiatique, c'est un professionnel. Alors, j'aime bien, c'est le monde de la publicité. Alors, publicité, ça, c'est un autre nom pour parler d'escroquerie juive, en fait. Hein. Donc ça fait 3000 ans que des juifs font de la publicité, si vous voulez, en fait. La Torah, tout ça, bon, ça fait un moment quand même. Hein. Et donc ils réécrivent l'histoire, etc. Ils inventent des trucs, à Hollywood d'ailleurs, ils font des films, la liste de Schindler. Enfin, ils inventent des trucs comme ça, vous voyez. Et là, en fait, ils ont vu qu'il y avait un mouvement populaire de fond quand même, pas majoritaire de fait, puisque... Il y a, je crois, 45 millions de vaccinés aujourd'hui, donc des gens qui ont été happés par la machine de terreur, de panique, etc., donc qui ont cédé, en fait, ou au chantage hein, du gouvernement, avec les mesures annoncées, coercitives. Donc, effectivement, il y a une minorité de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais une minorité qui, à ce jour encore, est quand même considérable. Et elle s'est mobilisée, alors évidemment c'est pas la totalité de cette minorité qui se mobilise, c'est une fraction, mais c'est une fraction qu'on entend, qui est dans les rues, qu'on voit maintenant depuis 5 semaines en fait. Ça fait déjà un moment qu'il y a des manifestations, mais là c'est des manifestations significatives, et évidemment l'idée est de répondre à la manifestation du Trocadéro qui avait été organisée par Philippot il y a de ça 2 semaines. Donc en fait c'est la réponse de Macron et de son entourage à cette démonstration de mobilisation populaire en plein été au Trocadéro. Alors, évidemment, c'était pas des millions de gens dans les rues, mais c'était quand même bien organisé, bien fait, et ça avait remporté un certain succès. Donc, l'idée est d'un peu d'essayer de démontrer que les pro-pass sanitaires, qu'il y a des gens qui adhèrent au projet sanitaire, si vous voulez. Pas simplement qui le subissent, mais qui adhèrent, qui le veulent. Et ça, c'est le rôle du juif. Donc, vous avez les empoisonneurs juifs, qu'on ne cite plus, je les ai cités ici à longueur d'émission, et maintenant vous avez ceux qui vont vous dire « Non mais en fait, il y a un enthousiasme populaire pour l'empoisonnement. » Et ça, c'est le rôle de Tapiro. Et c'est pas du tout un hasard si on va trouver une espèce d'ignoble séfarade pour aller nous faire son numéro de propagande. Alors notez aussi ça se passe dans la deuxième, troisième semaine de septembre. Donc c'est vous dire s'ils ont personne, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir acheter en fait des figurants, hein, ni plus ni moins. Hein, Enfin, moi, je m'excuse de te couper, hein, Gandalf, mais la grande majorité des Français sont vaccinés et le gros de ceux qui va voter, c'est-à-dire de ceux qui croient encore au système, etc., c'est-à-dire les boomers, sont en majorité pour le pass sanitaire et pour vacciner les nourrissons, voire même les fœtus. Il y a des gens qui sont nombreux, malheureusement, qui ne sont pas encore morts et qui veulent que nous soyons des cobayes. Ce sont ces gens-là, ce sont les boomers. Hein. Ils veulent pouvoir aller en Thaïlande se faire enculer par les travelots tranquillement, voilà, sans attraper le virus. Tu vois, ils veulent jouir sans entrave. C'est un petit peu leur leitmotiv. Oui, leur leitmotiv depuis qu'ils se sont révoltés contre leurs parents dans les années 60. Et ça, que Macron surfe là-dessus, Tapiro va surfer là-dessus, et je ne doute pas qu'il y aura du monde à cette manifestation. Et effectivement, ce sera des vieillards. J'invite très chaleureusement les démocrates qui nous écoutent, si par chance ils devaient attraper ce rhume oui. D'ici le 19 septembre. Et tousser un petit peu, donc prenez de la des vitamines, etc., du zinc pour aller bien, mais monter à Paris et cracher leur dessus. Cette idée de voilà. C'est-à-dire que moi, depuis que je sais qu'il y a cette manifestation-là, j'ai un souhait, c'est de choper le coronavirus. Je ne l'ai toujours pas chopé, je ne prends pas de précautions particulières, au contraire. Et si je l'attrape, je monte à Paris. Je monte à Paris et puis je leur roule des pelles, le boulot. Cette race maudite, très franchement, les juifs sont égaux à eux-mêmes, si tu veux. Mais les boomers sont une sale race qui a peur de mourir, enfin, qui n'a peur que de mourir, qui a une peur bleue de crever. Alors qu'elle commence à entrer dans l'âge de la sénilité, et qui souhaite plus que tout jouir jusqu'au bout, quitte à ce que nous soyons des cobayes pour des vaccins expérimentaux, parce que bon, les vaccins on les mettait en vente hein, au bout de quelques années, plusieurs années de tests, là ils sont obligatoires au bout de quelques mois maintenant. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller dans des restaurants où l'on mange en illimité, sur les self-service illimités, pour s'empiffrer, tu vois. Ils auraient pu maigrir, ces fils de pute. Ils sont gras comme des moines. Ils auraient pu. Non, ils veulent jouir, ils veulent partir. Ils veulent bouffer du sucre jusqu'à ça, et prendre des piqûres d'insuline pour éviter de crever à la fin du repas. C'est ça, cette race de merde, tu vois. C'est ça, les boomers. Et ça, moi, je quoi qu'il arrive, même si tu veux, même si le vaccin peut éventuellement, allez, on va dire que d'ici, il peut être inoffensif. Allez, pourquoi pas. Je ne veux pas participer à sauver cette race de merde. C'est boomer. Je n'ai pas à prendre de risque pour eux. Ils ont tout salopé. Et donc voilà, tout ce qu'ils méritent, c'est de débarrasser le plancher. Voilà, c'est de débarrasser le plancher. Ils nous emmerdent. Les droits de l'homme, c'est eux. La démocratie, c'est eux. Dès qu'ils se feront barrer, on pourra commencer à discuter avec les nègres et les musulmans pour dire bon, allez, hop, bon, vous dégagez, vous restez sur le territoire, etc. Tant qu'ils sont là, rien n'est possible. Qu'ils crèvent. Quelqu'un a-t-il à rajouter quelque chose ? Ouais, bon, déjà. Faire une manif, on va dire, pro-gouvernement. Le mec fait une manif pour le gouvernement qui est en place, quoi. Il est heureux. Disons que le caractère subversif, il n'est pas évident. En fait, ils nous refont le coup des foulards rouges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement-là. Oui, bien sûr. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des rassemblements de foulards rouges, donc pro-Macron, pro-gouvernement, pro ce que vous voulez, les mecs qui valident tout. Et en fait, bah, comme le disait Derek, hein, la sociologie des participants était des vieux, quoi. Il y avait un troll qui était intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, un mec de jeuxvideo.com qui avait dit qu'il fallait que les flics ils se comportent plus de manière brutale, qu'ils tuent des manifestants. Il avait rajouté un peu, il s'était fait gauler en tant que troll. Ah oui, effectivement, j'aimerais bien que les flics, à ce moment-là, balance des flashballs dans les yeux hein, des boomers. Ça serait des boomers bornes. Écoute, j'en aurais la trique, quoi. Moi, c'est, pour le coup franchement, hein, enfin bon Je vais être à rebours de vous tous là, parce qu'en fait j'ai revu il n'y a pas longtemps un extrait de manif où il y avait 50 ans à Paris là, pour les foulards rouges. Il y avait un couple de vieux qui étaient interviewés et ils ont dit des conneries. Parce que ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'il fallait que les gilets jaunes, ils se prennent par la main, ils se bougent pour réussir leur vie. Et même si ça peut paraître... même si on peut penser que ce sont des propos tenus par des bourgeois, par des nantis qui sont nés avec une cuillère en argent dans la vie, moi j'ai quand même constaté que parmi les gilets jaunes, il y avait des gens qui bossaient, qui galéraient et qui voulaient s'en sortir, hein, bien sûr. Mais tu avais aussi toute une tripotée de crasseux ou de gauchistes, pas forcément crasseux d'ailleurs, mais qui n'arrivaient pas à comprendre que l'argent, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire par moment, c'est pas magique. On n'est pas la Fed aux États-Unis, on n'est pas des banquiers juifs et on se réveille pas le matin en pouvant faire des lignes magiques, hein, des lignes de crédit. Et que de facto, bon, faut bosser, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi un petit peu l'opposition, on va dire, entre des gens qui avaient une vision entrepreneuriale de la société ou qui avaient au moins une compréhension des causes et des conséquences, contrairement à certains gilets jaunes interviewés qui croyaient en l'argent magique, à la bienveillance du gouvernement, parce que tu as beaucoup de gilets jaunes qui soutenaient le revenu citoyen universel. Et moi, je sais que j'ai parlé avec beaucoup de gilets jaunes, et t'en as qui n'arrivaient pas à comprendre, quoi. Parce que les mecs, dans leur tête, c'est oui, il faut qu'on ait plus d'argent, qu'on paie moins de taxes, mais en même temps, il faut qu'il y ait plus de sécurité sociale, qu'il y ait plus de filets, qu'il y ait plus de ci, qu'il y ait plus de ça. Bon, à un moment, un pays, c'est censé être comme ton compte en banque perso, c'est t'as des entrées d'argent, hein, t'as des recettes. Et puis après, tu as des dépenses. Et si tu n'es pas à l'équilibre, tu es dans la merde. Alors quand tu es un État et que les Juifs t'ont la bonne, ils te filent du pognon pour continuer à faire venir des nègres, pour continuer à t'enculer. Mais quand ils t'ont pas à la bonne, après, tu as notre baisse et c'est beaucoup plus dur et donc tu payes plus d'intérêts. Mais voilà, je pense qu'en fait, la révolte de la France périphérique, elle est tout à fait justifiée, sachant que les élites en place veulent nous transformer en esclaves métis d'ici 100 ans, hein, totalement. Il faudra aussi que les Français, et là je dis collectivement, se sortent les doigts du cul et comprennent. Enfin, j'aimerais que les Français, en fait, s'inspirent un petit peu de l'esprit d'entrepreneuriat qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la différence entre ces deux personnes-là que tu peux appeler des gilets rouges, là, enfin des, c'est quoi, les foulards rouges et les gilets jaunes. En gros, il y en a un qui veut du socialisme pour éviter que les pauvres ne viennent les gorger, et l'autre qui veut du socialisme pour avoir des trucs, quoi, hein, pour avoir des trucs gratuits, quoi. Mais effectivement, c'est du socialisme de merde des deux côtés. Où on attend que l'État vienne nous sauver, hein, parce que bon, tu nous parles de l'esprit entrepreneurial. Je pense que les vieux là qui parlaient des gilets jaunes qui devaient se prendre en main devaient être profs de père en fils depuis trois générations. Ils n'ont jamais vu le monde du travail depuis le 19e siècle. Donc bon, il y a des trucs comme ça aussi, c'est assez particulier, quoi. Mais oui, c'est tout à fait juste, en tout cas, à ce niveau-là, où effectivement, il ne faut absolument rien demander à l'État et tout faire pour s'en extraire et être libre. Hein, c'est le leitmotiv que nous devons avoir. L'État veut nous enculer, et l'État, de toute manière, est une force avilissante qui, même s'il peut nous apporter quelque chose à un instant T, va faire de notre descendance une descendance d'abrutis congénitaux. Hein. Ouais, c'est déjà le cas, mon bon Derrick. C'est déjà le cas. Non, mais voilà, mais c'est parce que pourquoi l'État est omniprésent depuis 1945. Hein. C'est assez malheureux. Il y a une révolution anthropologique en France qui est malheureusement. Mais ce n'est pas qu'en France. C'est surtout en France. Oui, mais par exemple, tu prends les États-Unis, c'est exactement la même chose. Et pourtant, c'est un pays qui est beaucoup plus libertaire, où justement, il y a une défiance vis-à-vis du gouvernement. Alors ça, c'est intéressant, parce que j'ai plus les chiffres, mais j'avais vu passer ça. Il y a une très grande défiance de la part des Américains vis-à-vis de leur gouvernement, contrairement à la France, effectivement, nous, on est les champions du social, on est les champions du nanny state, comme en anglais, hein, de l'état nounou. Mais malheureusement, dans les faits, on voit bien qu'en Occident, le niveau intellectuel a drastiquement chuté. Et je pense que c'est pas tant une question d'État puissant qui a des ramifications partout, mais que c'est plutôt une question de à qui on a donné les clés de l'éducation, hein, un peu partout dans le monde occidental. Bon, disons de toute façon que c'est une j'allais dire que le verre est dans le fruit. Derrick a un peu posé, je crois, les bases du problème, c'est-à-dire qu'en 1945, il y avait plus que deux forces, le communisme, hein, l'ultra-bolchevisme, ou bien l'ultra-capitalisme. Il n'y avait que ces deux alternatives, puisque la voie fasciste, qui était une voie proprement européenne, a été écrasée sous les bombes, non pas parce qu'elle a échoué dans sa formule, mais parce qu'elle a été écrasée par la force. Et si elle a été écrasée par la force, par les forces conjointes de l'ultra-bolchevisme et de l'ultra-capitalisme, ce qui ne doit jamais nous échapper, c'est-à-dire que les Antifa étaient à la botte de la banque new-yorkaise, c'est précisément en raison de l'efficacité de la formule fasciste. Et en 1945, il a bien fallu apporter à toutes ces masses d'Européens, dans la partie occidentale, une espèce de formule. Alors ce qu'a fait le capitalisme organisé, la finance new-yorkaise, hein, c'est de céder quelques petits trucs. Voilà, on a cédé quelques petits trucs, on avait des programmes sociaux, tout pourvu que les masses populaires, ouvrières notamment, et paysannes, ne basculent pas dans une voie propre. Bon, le problème, c'est que ça a sa propre dynamique, hein. C'est-à-dire que tu fais de l'assistanat au début à dose homéopathique, et puis ensuite, t'as des crises économiques qui arrivent, donc qu'est-ce que disent les gens, les politiciens surtout, pour acheter des voix ? Ah bah, on va emprunter, on va rajouter. Au départ, c'est relativement indolore parce qu'on part de très bas, puis ça commence à monter, à monter, à monter, à monter, et puis au bout de 80 ans, si tu veux, tu as une pile de dettes absolument colossale, qui est irremboursable. Tout le monde sait absolument que c'est irremboursable, c'est évident à ce niveau-là que vous allez dans la rue, vous rencontrez les gens, vous leur posez la question, il y a quand même une notion diffuse d'un endettement massif et du caractère irremboursable de cette dette. Donc ça, c'est à peu près installé. Mais les gens, en fait, n'ont pas de déclic parce qu'ils se disent « oui, mais ça continue à avancer, la machine avance, le baudet continue à marcher ». Donc comme le baudet continue à marcher, ils disent oui, bien sûr, en théorie, intellectuellement, le système est condamné à imploser. Mais en pratique, au quotidien, bon, on fait notre vie, ça avance, ça continue d'avancer, pourquoi pas. Et en fait, on va arriver à un stade où la boutique va totalement s'écrouler. Et quand ça va s'écrouler, et pas avant, mais quand ça va s'écrouler, c'est quand les gens vont réaliser que la machine ne fonctionne plus. Et ça peut durer encore un petit moment. Mais dans les mesures qui sont prises aujourd'hui, en ce moment même, là, avec l'excuse sanitaire et ensuite l'excuse climatique, toutes ces mesures sont évidemment des mesures de rationnement. À la fois des mesures de reprise en main des masses, pour leur dire, voilà, vous ne pouvez pas faire ça quand vous voulez, vous ne pouvez pas vous déplacer à tel endroit quand vous voulez. Voilà, donc c'est clairement le contrôle des populations. Et ensuite, ça va être le rationnement. Donc on va leur dire, non, vous ne pouvez pas consommer ça quand vous voulez, vous ne pouvez pas vous déplacer à tel moment quand vous voulez, vous allez avoir des crédits de déplacement. Hein. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui, hein, je prends ma bagnole, je vais où je veux. Pas du tout. Vous aurez un crédit de déplacement. Et pareil... Et d'ailleurs, c'est... Vas-y, je t'en prie, excuse-moi, je te coupe. Vous aurez la bulle sociale, donc vous aurez un crédit social au sens pas chinois du terme, mais au sens où vous aurez un certain nombre d'heures autorisées par le gouvernement pour rencontrer d'autres gens dans le cadre d'activités sociales, et quand vous aurez épuisé votre crédit, ben vous pourrez plus rencontrer d'autres personnes, etc. C'est une reprise en main radicale, mais qui est que la conséquence du fait que le socialisme est dans sa phase finale, et les gens ne peuvent pas être intellectuellement prêts, ni anthropologiquement prêts, pour cette rupture. C'est impossible. Vous pouvez leur expliquer ça intellectuellement, ils peuvent même comprendre, mais tant qu'ils ne le vivront pas, ils ne comprendront pas. Donc on va, on y va, on y arrive même, j'ai envie de dire. Et le système essaye en fait de canaliser l'atterrissage en se disant bon, on peut atterrir en catastrophe, mais grosso modo on peut rester aux commandes. Mais quand on va rentrer dans le dur, bon, de toute façon je pense qu'il y aura eu de la perte hein, d'ici là. Voilà. Et il y a très peu de gens qui ont la lucidité de voir ce qui est en train de se passer, à quel point en fait. C'est l'écarissage, là, on est dans une phase d'écarissage. Donc, on met les gens en rationnement, on est dans la phase de rationnement, ça va prendre quelques années, mais on va rentrer dans le rationnement dur. Il y a des gens qui vont être considérés comme des bouges inutiles, qui vont être éliminés, ça, il faut bien se le dire, il y a des gens qui vont être physiquement éliminés, d'accord ? Il y aura des excuses, machin, le sanitaire, le truc, voilà. Et voilà, et si vous ouais, voulez... Oui, ça va être l'environnement, ça sera le réchauffement climatique, très probablement. Tu as des... Comment ça s'appelle ? Ça se passe aussi au niveau de l'héritage. C'est-à-dire que tout ce qui va être la propriété privée, la transmission, va être taxé de plus en plus. C'est pire que ça. Je donne la parole après à Captain, parce qu'il la voulait. Mais là-dessus, simplement, sache, cher Derek, que cette petite ordure de Piketty, donc l'ex... Oui, je sais. Voilà. Bon, bah, lui, il a sa formule, c'est-à-dire, il appelle, je ne sais plus comment, quelle est, c'est, ils ont toujours des formules de communicants comme ça, c'est l'héritage pour tous, c'est quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. En gros... Oui, c'est-à-dire que l'héritage pour les nègres. Oui, en gros, on collectivise tous les biens de vos parents et grands-parents, etc., en France, et on fait des parts égales et on les distribue aux jeunes. Suivez mon regard. Oui, voilà. Voilà. Mais ça, ça flatte les catégories raciales qui aujourd'hui représentent peut-être 30 ou 40% de la population et qui seront prêts, couteau entre les dents, à venir vous égorger chez vous si on leur prenait leur masse d'or. Comprenez bien que les Juifs ont ça en tête. Ils sont prêts à tout. Et alors, évidemment, quand on dit ça, là, je suis sûr que dans l'émission, ceux qui nous écoutent, ils doivent les yeux écarquillés, quoi, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, Piketty, qui est un invité régulier du Forum de Davos et un... Il n'a pas été prix Nobel de mes couilles, un truc comme ça, non prix Nobel d'économie, je crois. Je sais plus, mais il avait produit cette espèce de Capital Bis, là, sauce Marx. Enfin, c'est vraiment nul. Mais toujours est-il que, voilà, l'idée... Enfin, bon, de toute façon, c'est un bouquin illisible que personne n'aura jamais lu. Et sa thèse tient en un mot. « Les nègres, argent gratuit pour tous ». À la condition que vous allez égorger les gens que nous aimons pas. Voilà, c'est juste la formule qu'il a, et c'est ce qu'il prépare. Ça, c'est en termes d'héritage. Donc, ça s'appelle l'intersectionnalité de gauche, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, ils veulent nous égorger. C'est au programme. Un héritage à 120 000 euros pour tous à 25 ans. Voilà, c'est le projet de Thomas Piketty. Voilà. Qui est effectivement donc, de rapter les... le capital des Français et de le transmettre à tous, c'est-à-dire aux nègres. Voilà, donc en fait, ça va être la carotte pour exciter la haine raciale des nègres et des bicots contre les blancs qui vont avoir le malheur, les jeunes blancs qui vont avoir le malheur d'hériter de leurs aïeux, donc les Français. Oui, j'aimerais quand même rappeler que les immeubles flambant neufs dans lesquels ces putains de nègres pullulent comme des rats sont payé par le livret A, hein, le livret A, c'est-à-dire l'épargne des Français qui n'est absolument pas rémunérée. C'est-à-dire que c'est quand nos Français foutent leur pognon sur le livret A, à quoi ça rapporte quasiment rien. Ça même par rapport au coût de l'inflation, ils perdent de l'argent, d'accord. Ils placent leur argent sur des trucs perdants. Et en plus, ça sert au confort du nègre. Ça sert à loger le nègre qui arrive dans des logements modernes, hein, avec toutes les commodités. Et en plus de ça, non, c'est pas assez. C'est-à-dire que t'as foutu ton argent, tu as perdu ton épargne pour loger des nègres. Et à la fin, tes parents ont pu acheter un appartement à droite à gauche. Non. Cet argent-là ne t'est pas destiné, il est destiné aux nègres. Bon, ces gens-là, vous savez le sort qu'il faut le réserver. Hein, à un moment donné, bon, c'est... bon, c'est... Voilà. Alors, vous avez un petit capital à droite à gauche, hein, ces gens-là veulent vous tuer. Ils veulent vous tuer, ce sont des ennemis. Hein, clairement. Donc, tout ça pour dire que la manifestation de Tapiro, ça consiste simplement à vendre ce programme. ça consiste à dire que vous n'avez pas à ouvrir vos gueules. Vous avez... Alors évidemment, c'est au titre de l'excuse sanitaire, ensuite l'excuse climatique, non, mais vous aurez la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez une mise en scène organisée médiatiquement par les Juifs pour délégitimer les victimes de leur politique prédatrice, qui est une politique de spoliation. Et à chaque fois, parce que ces Juifs sont extrêmement pervers, ils s'appuieront sur des catégories raciales extrêmement agressives qu'ils auront fait venir pour se servir d'eux comme mercenaires, en leur promettant leur lot d'or. Donc il faut avoir bien ça à l'esprit. Non, je donne la parole à Captain, qui voulait la prendre depuis un moment. Ouais, bon, bah, vous avez déjà un peu parlé de ce que je voulais, enfin, vous avez un peu dit ce que je voulais dire, mais effectivement, il y a un truc qui m'agace, moi, dans les manifestations avec les gauchistes, c'est toute cette question de climat. Parce que, très clairement, ceux qui sont en train de manifester maintenant, pendant liberté, liberté, en dansant comme des gogoles sur des reprises, quand il va s'agir de séquestrer les gens pour des questions de sauver Gaïa, là, les mecs, ils vont pas hésiter à le faire. Et ça nous pend au nez, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive, on le dit, ça fait plusieurs semaines qu'on dit qu'on est à la croisée des chemins, et c'est compliqué pour tout le monde, hein, surtout pour les jeunes. C'est compliqué d'arriver en même temps à se projeter, personnellement ou professionnellement, sachant qu'on doit le faire, et sachant qu'en même temps, on doit mener un combat individuellement et collectif, qui s'il n'est pas mené, s'il n'est pas remporté, annonce tout simplement l'asservissement, et ça on déconne pas quand on dit ça ici, c'est vraiment l'asservissement des populations blanches. Alors pourquoi blanches? Parce qu'en fait, bon bah, la richesse elle est chez nous, quoi. Donc les Africains ne seront jamais asservis par le nouvel ordre mondial. Si tu as un branlé qui était des nègres qui pullulent et qui se promènent chez eux en pagne ou pas d'ailleurs. Bon, bref. Et quand tu parles des actions que mettent les Juifs et de ces spoliations qui sont en train de préparer, il y a, je ne sais pas si vous avez vu l'info qui est passée il y a quelque temps, mais je ne sais plus dans quel état d'Amérique il a été décidé que dorénavant, il n'y aurait plus de tests de mathématiques, de langue anglaise, et de je ne sais plus quelle matière pour accéder à des postes quand même, pour obtenir des diplômes ou pour accéder à des postes à responsabilité. Et en fait, on est vraiment dans un cas de figure où non seulement individuellement, on pique de l'argent quand on bosse pour faire pulluler les boucaques et les nègres chez nous. En plus, on va dans un monde dans lequel effectivement on a besoin d'un passeport pour aller dans des lieux dans lesquels des lieux qui sont publics, hein, des lieux qui soient bon commerciaux ou non, mais dans lesquels on est censé pouvoir aller librement, lorsque on a besoin de ces passeports, lorsqu'on n'est pas confiné chez nous. Et en plus, on est en train vraiment de nous spolier collectivement de toutes les réussites et de toute la culture, les civilisations qu'ont produit nos ancêtres. En fait, on déconne ici un peu, on a un temps à jouer, mais on est un peu aussi grave, mais il faut vraiment se mettre dans la tête que là, on a plus le choix, en fait. C'est soit on accepte de finir, enfin, ou que nos descendants surtout, parce que nous, pour certains, on arrivait à la moitié de nos vies, d'autres sont plus en. Que il y a des gens plus jeunes aussi, des gens plus âgés aussi, mais on fait pas partie de ces des gens qui sont à naître, de facto. Et ces gens-là, nos descendants, ils finiront dans les pires des dystopies. Et voilà ce que j'ai à dire. Donc moi quand je vois malheureusement les gauchistes défiler sur leurs airs en sarouel, là, danser comme des flans, et puis me parler du réchauffement climatique et pointer du doigt les fachos, en fait, comme tu dis, ces gens-là, ils sont complètement pas prêts à comprendre ce qui se pointe, quoi. En manif, moi, je parle avec des gauchistes, et il y en a qui s'offusent qu'un mec se balade, qu'un mec lambda, quoi, qu'un mec de 60 kilos, qui a une tête absolument pas agressive, se promène avec un pauvre bout de bois sur lequel il a attaché un panneau où il y a marqué juste qui, Ah, t'as des mecs qui sont en train de virevolter dans leur tête, en mode mais qu'est-ce donc, mais on comprend pas, mais pourquoi, c'est antisémite, machin, mais il faut pas donner d'armes au système, et machin. Et, ouais, faut pas avoir de dents quand on mord, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Moi, j'ai dit à un moment à un gars, j'ai dit, mais si un violeur, il est juif, ça fait toi un antisémite que si tu dis que machin, il est coupable. Bon, ça c'est la vieille logique, c'est-à-dire qu'il y a des fins stratèges comme ça qui se font les avocats d'une stratégie qui est évidemment vouée à la réussite, qui consiste à dire n'attaquons pas nos ennemis, c'est la meilleure façon de gagner. Oui, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ton ennemi, s'il veut ta peau, il va t'agresser. Il en a rien à faire de savoir si tu es pacifique ou pas. Il va vouloir t'éradiquer. Pour moi, la meilleure façon de gagner dans... Enfin, c'est la loi de la jungle, en fait. Si tu veux être sûr de survivre, tu es le plus fort et tu es celui qui mange les autres. C'est celui qui dévore les autres, qui chasse les autres. Tu vois, tu n'attends pas de recevoir des signaux d'agressivité de la part de prédateurs hostiles pour commencer à réfléchir à une stratégie de survie, en fait. Et ça échappe à un certain nombre. Mais c'est normal, on sort d'une ère de paix, anormalement longue d'ailleurs, depuis 1945. Alors certains citeront bien évidemment les guerres coloniales, mais qui ont été très largement externalisées, entre guillemets. Le territoire métropolitain, depuis 1945, connaît la paix totale. Et on voit que, bon an, mal an, il y a déjà des germes de guerre civile qui apparaissent. Alors, il y a la guerre raciale, hein, bien sûr, mais la guerre civile est un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que la guerre raciale à strictement parler. Et d'ailleurs, beaucoup plus létale, en fait, que la guerre raciale. Et en fait, la guerre civile va intégrer la guerre raciale. Et c'est ce que je disais un petit peu avant. Les élites dirigeantes, pour sécuriser leur position, conserver leur position, se servent de plus en plus des contingents d'immigrés qu'ils font venir comme de véritables mercenaires. J'assimilerais d'ailleurs volontiers les immigrés à, vous savez, à ces auxiliaires de la fin de l'Empire romain que les différents empereurs ou généraux recrutaient moyennant de l'or et dont la loyauté, je veux dire, était vraiment uniquement tributaire du volume de d'or qu'ils pouvaient retirer de tel ou tel suzerain, quoi. Et on est exactement dans cette position-là. Mais il faut bien se dire hein, que ceux qui nous dirigent, à commencer par les juifs, n'hésiteront pas à utiliser les halogènes pour nous attaquer. C'est évident. Ils le font déjà, mais ça va se systématiser, devenir de plus en plus flagrant. Et on va pouvoir acheter... On achète déjà, et de plus en plus, on va acheter des halogènes pour servir de soudard, pour régler des conflits internes aux sociétés occidentales en voie d'effondrement. Quoi. Voilà, c'est le moment dans lequel... Ce sont les médiateurs de la République. Oui, les médiateurs de la République, effectivement. Alors, messieurs, bon, on a passé en revue un petit peu à ce moment-là, on s'est écarté, mais il faut parler librement, il n'y a pas de raison. Parlons un petit peu, avant de faire une pause, de ce moment tout à fait particulier de spiritualité tout court, mais j'ai presque envie de dire française, parce que là, nous sommes aussi à un carrefour. Alors je vais lire cet article de France 3 Régions, Pays de la Loire, puisque cette affaire a beaucoup fait couler d'encre, et ça résume à peu près ce qui s'est passé. Alors je commence. Le corps d'un prêtre, membre de la communauté des frères missionnaires Montfortin, a été découvert ce lundi 9 août à Saint-Laurent-sur-Sèvre, une commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Cholet, ont confirmé le diocèse et la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. L'homme âgé d'une quarantaine d'années, alors le principal suspect donc a été placé en garde à vue, l'homme âgé d'une quarantaine d'années s'est rendu à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre dans la matinée du lundi 9 août pour avouer le meurtre. Il s'agit du sacristain, bénévole, de nationalité rwandaise, mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020, donc il y a un peu plus d'un an. Incarcéré plusieurs mois, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin dernier dans l'attente de son procès. L'auteur présumé sortait d'un séjour en hôpital psychiatrique et était hébergé par la communauté des frères missionnaires Montfortin depuis le 31 mai, selon une source proche de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce dans un tweet se rendre sur place. Dans l'après-midi, la polémique ne s'est pas fait attendre concernant la remise en liberté de cet homme, bien sûr. Et ensuite, la polémique a continué à enfler durant toute la semaine. Et alors, messieurs, c'est une affaire qui est, mérite qu'on s'y attarde, en raison évidemment du caractère quasiment exceptionnel de la situation. Du caractère divin. Oui, divin. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, puisque finalement, le cardinal est là, cardinal dont, de l'église de négrolâtrie. Alors, bon, moi, très humblement, je m'en remets au cardinal qui, lui, a toutes les clés. Tu t'en remets surtout à l'expression de la puissance de mon église, cher Gandalf. Certes. Nous avons là affaire à Emmanuel. Emmanuel, dans la traduction littérale, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Dieu brûle des cathédrales. Parce qu'on donne les clés à les Français ont l'idée saugrenue de donner les clés des cathédrales à des nègres. Les nègres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des clés. Ils ont maintenant la maîtrise de la technologie du feu. La suite logique est tout à fait prévisible. Hein. C'est-à-dire que les nègres en foutent le feu des cathédrales, c'est normal. Et donc, ma foi, on a ce Dieu est parmi nous qui brûle des cathédrales, qui tue des prêtres, qui avait été deux fois... pas menacé, mais plus sûr, on l'avait exclu du territoire français, mais le fait est que le... Il y a des procédures judiciaires, des appels, des contre-appels, des couilles et compagnie. En fait, le nègre n'est quasiment jamais excusable, sauf s'il est vraiment très con. Hein. Ça, c'est... Et lui, ça faisait trois fois qu'il échappait à ça. Et le fait qu'il échappait, ça ne dérangeait pas l'Église catholique. Hein. Au contraire, on l'accueillait. Hein, parce que Jésus, n'est-ce pas? Et ben, ça donnait cette histoire-là, avec quand même en point d'orgue le fait que le pape, hein, le chef de l'Église apostolique romaine, élu par l'Esprit Saint, hein, s'il vous plaît, dans le concile, l'élection du pape, avait serré le conclave, la patte. Ouais, le conclave. Il avait serré la patte à Emmanuel. Mais tu me l'as appris, en fait, que Bergoglio a serré la pince du meurtrier, en fait. Oui, il y a quelques. Avant qu'il ait cramé l'église, quand même. Hein, bon. Oui, pas après. Pas après. Peut-être tu avais dit. Enfin. Emmanuel, vas-y, oh, tu veux pas mettre le feu, hein, avec son accent argentin, corse, italien, un truc comme ça. Il faut savoir pardonner. D'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas citer, mon cher cardinal, la réaction de Monseigneur Lebrun. Qui est très brun. Oui, ça m'a beaucoup frappé. D'ailleurs, j'ai cru. La chaîne d'extrême droite, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais ça m'a. J'ai cru d'ailleurs que c'était un évêque irakien. Puis j'ai pris connaissance du fait que non. Il est vraiment très très brun. Alors, de Toulouse, peut-être. Il dit ceci: n'arrêtons pas d'accueillir des réfugiés. Ce n'est pas ce qui est dans notre cœur. Donc le rejet des réfugiés, bien sûr. On ne peut pas se recroqueviller sur nous-mêmes, hein, on va l'écouter de vive voix, on se retrouve. Voilà, alors, donc voilà, donc une cathédrale incendiée, un prêtre assassiné, et la conclusion donc de l'Église catholique organisée par la voix de Monseigneur Dominique Lebrun, c'est qu'il ne faut surtout pas cesser d'accueillir des migrants clandestins et ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. C'est-à-dire que la vraie réponse, c'est de continuer à faire le bien en vérifiant que les règles de prudence sont effectivement accomplies. Mais on voit que le père Olivier Maire lui-même avait eu recours à la justice, pas d'une manière naïve, voyant que il y avait eu, il commençait à y avoir en juillet un dérèglement et que Emmanuel ne voulait plus se soumettre aux obligations qui étaient les siennes. Il a eu recours à la justice, et je crois que c'est une bonne chose. Nous ne pouvons pas nous arrêter à faire le bien, quels que soient les risques que nous prenons. Il faut évidemment qu'il soit proportionné, que nous prenons les règles de prudence, mais surtout, ne disons pas aujourd'hui, arrêtons d'accueillir des réfugiés. Ça, ce n'est pas possible de raisonner comme ça. Et ce n'est pas ce qui est dans notre cœur. Nous voulons tous construire une paix qui soit une paix universelle. On ne peut pas se recroqueviller sur nous-mêmes. Ben, c'est ça le pire. Oui, c'est-à-dire qu'après l'incendie et les meurtres, le pire du pire qui pourrait nous arriver comme réaction, ce serait essayer de nous défendre. Alors, non. L'Église n'est pas dans le temporel. Hein. C'est rendons à César ce qui est à César. J'ai l'impression qu'ils sont assez temporels, puisque d'après un papier... Ils accueillent tout le monde. Hein. Ils accueillent tout le monde, y compris les nègres. Et, bon, surtout les nègres, parce que c'est eux qui veulent venir, mais en gros, c'est l'accueil à gogo, quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même très terre-à-terre, parce qu'il y avait un papier de la Croix qui était assez intéressant, qui admettait d'ailleurs que, en fait, donc le nègre, là, du Rwanda, donc le pyromane et assassin... Oui, Dieu est parmi nous, Dieu est parmi nous. Emmanuel, voilà. En fait, était, je cite, hein, d'après la Croix, l'homme le plus protégé, le migrant clandestin le plus protégé des pays de la Loire, le plus protégé. Il avait la protection personnelle de l'évêque de Nantes, à tel point d'ailleurs que l'ancien évêque de Nantes avait téléphoné au préfet pour faire pression sur les autorités pour le maintenir de force sur le territoire français. C'était quelqu'un qui avait énormément d'entre-gens. Donc nous avions un militantisme catholique forcené pour maintenir ce Rwandais à toute force sur le territoire. Ce qui a porté ses fruits, puisque au lieu de l'expulser après l'incendie, après avoir livré donc la cathédrale de Nantes aux flammes, détruisant d'ailleurs un chef-d'œuvre qui était l'orgue de la cathédrale qui était vieux de 4 siècles, il a été maintenu sur le territoire et libéré assez vite. Maintenu sur le territoire et accueilli par voilà, des catholiques. Et voilà, et accueilli par des prêtres, nous dit-on, par la charité. Et une fois ceux qui l'ont accueilli plantés, surinés, la conclusion des mêmes est de dire... Surtout, s'il vous plaît, alors, n'arrêtons pas l'immigration de masse. Alors, aujourd'hui, 15 août, il y avait la messe pour le pape, enfin pour le pape, pour le prêtre mort. Ah oui, pour la victime. J'ai quand même été peiné que Emmanuel n'assista pas à cette messe, parce que c'est un fervent catholique. Ça aurait été une juste. Voilà. Je pense qu'il était prêt, mais c'est plus, à mon avis, les autorités qui ont craint des retombées d'ordre médiatique. Tous les catholiques, je ne sais pas, mais certainement le clergé catholique bergoglien. Oui, certainement. Oui, mais beaucoup. Bergoglio, à mon avis, aurait aimé. Donc, d'abord, il collabore à l'invasion, ça on le savait, mais face à des criminels endurcis, essaye par toute force de maintenir les pires d'entre eux. Évidemment, les pires d'entre eux étant les pires d'entre eux, répondent à leur nature profonde et récidive. Surprise pour personne de bon sens, bien sûr. Sauf pour ce clergé d'ahuri, souvent homosexuel, qui, à mon avis, n'a pas étendu par hasard sa protection à ce point-là, à cet oiseau-là, qu'on appelle Emmanuel, sans raison. Je suis sûr qu'il y a derrière tout cela des choses particulièrement inavouables dans le diocèse de Nantes. Particulièrement inavouables. C'est absolument certain. Particulièrement inavouables. Et ce qui a poussé tous ces cols romains à se bousculer pour essayer d'étouffer l'affaire, régulière, etc. Bon. Pour moi, je m'avance peut-être un peu, mais pour moi, là-dessous, ça sent l'homosexualité à plein nez. Ça ne serait pas sans nous rappeler cette ecclésiastique de Guyane qui avait une cohorte de petits nègres. Exactement, rien moins que l'évêque en poste en Guyane qui avait tous ces petits migrants lesquels, avec lesquels il se livrait à différentes frasques, n'est-ce pas ? Promettant monts et merveilles, etc., y compris la prêtrise. Je crois que... Alors, lui était déjà prêtre. Non, il n'était pas encore prêtre, il était sacristain. Mais je pense qu'on a dû lui faire miroiter une prêtrise. Je pense qu'on lui a fait miroiter une prêtrise. Moyennant quelques arrangements entre hommes. Hein. On connaît ce clergé bergomilien. Donc, attention, moi je dis ça, attention à cette... ce qui n'a plus rien à voir avec l'église médiévale, je sais pas quoi, où les gens par nostalgie évoquent... nous ne parlons plus du tout de ça. Alors, ils ont encore l'école romaine, ils sont encore dans les églises, mais ça n'a plus rien à voir. C'est une ONG LGBT, pilotée par Bergoglio, qui, à mon avis, est de la jaquette, et qui font venir des nègres pour plusieurs raisons, à la fois pour se payer sur la bête, c'est-à-dire pour sodomiser ou se faire sodomiser par des migrants africains, et deuxièmement, pour créer une clientèle catholique en remplacement des catholiques qui n'existent plus en Europe. D'accord ? Donc de la même façon que la gauche a remplacé les ouvriers par les immigrés, de la même manière, l'Église catholique remplace ses anciennes ouailles par des migrants. Et on leur demande, en échange d'un titre de séjour, on leur demande, enfin le clergé leur demande, d'assouvir leur pulsion inavouable homosexuelle. Voilà, voilà exactement dans quoi nous sommes. Le clergé catholique et particulièrement vaticanesque, effectivement, n'a qu'un seul but, c'est sa propre survie. Et sa propre survie consiste à... À nous faire mourir. Oui, à nous faire... La condition de sa survie est de nous faire mourir. Oui, pourquoi ? Parce que la condition de sa survie et de son bien-être, en fait. Parce que bon, ils ne vont pas survivre comme des rats non plus. Ce ne sont pas des gueux. Hein. Pour survivre, il faut qu'ils aient un cheptel de vinaigre hein, pour venir leur ramener le trognon. Et pour ce faire, ma foi, il faut qu'il y ait suffisamment de flux migratoires venant d'Afrique. Hein. Donc c'est, et notamment quand ces Africains sont par naissance déjà voués à la cause de Jésus. Donc ça, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que là ouais. le ramonage se fait de façon plus... plus facile, plus naturel. Hein, nous plus avons, naturel. Il y a des points en commun. Oui. Oserais-je dire plus divine. Hein oui. Donc oui, non, c'est pour tous ces prétendants. Enfin, rappelons-nous quand même de l'affaire Paola Masopitro. Hein, c'est quand même intéressant. C'est pas en rapport avec les fiottes, mais c'est un rapport avec les nègres. C'est-à-dire que le nègre ultra violent, dealer de crack, etc., était accueilli par la paroisse, sachant qu'il était dealer de cam. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a foutu une Italienne qu'il avait camée et puis qu'il avait mis à sa botte. Il avait découpé, il l'avait foutu dans une valise. C'est quand ouais. même. Donc voilà, ce qui avait entraîné d'ailleurs. La riposte d'un nationaliste italien qui avait essayé d'abattre des Nigérians. Hein, et oui. il avait oui, fait, qui est en prison et qui d'ailleurs se fait saluer par les gardiens de prison. Bon, oui, et dont les parents de la victime avaient salué le geste. Oui, bah, oui. Alors que j'aime autant vous dire qu'en France. Oui, les familles seraient en train de dire non, s'il vous plaît, vous. Pas non, de récupération et vous n'aurez pas ma haine. Non voilà. À l'islamophobie. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il serait en train de cracher sur l'auteur du geste vengeur et il irait se rapprocher, comment dirais-je, de l'auteur en lui accordant son pardon, tout ça très médiatiquement sous les caméras de BFM Drahi. Hein. Je veux dire, en Italie, il y a encore des réflexes, j'allais dire, sains et naturels. J'ai envie de te dire, en Italie, il y a encore peut-être une âme, ce qui manque terriblement en France où je... Bah, l'âme de la France est juive aujourd'hui, il faut bien le savoir. Oui, non, si tu veux, j'aperçois, comme je t'envoyais plutôt quelques informations sur des individus qui peuvent, ma foi, émerger. Je l'ai remarqué. De ce cloaque. il y a des singularités, on va dire, parmi toutes ces chiasses, mais la France, dans sa globalité, c'est une entité à foutre un petit peu plus qu'à la poubelle. C'est-à-dire qu'à la foutre à la poubelle, mais avec. Oui, pays surnaturel, la vocation surnaturelle, comme dirait l'obèse libanais. Non, c'est. Il y a beaucoup de folie et de choses à rectifier. Réaction quand même à la chute de l'Afghanistan, parce qu'après tout, c'est toute une page de notre histoire qui se referme. On a nécessairement connu ça depuis le début, si nous avons un certain âge, pour les plus jeunes, peut-être pas, mais même pour les plus jeunes, ceux qui sont peut-être des vingtenaires, c'est quand même une guerre qu'ils ont connue par défaut, puisque c'est une guerre qui a commencé avec eux. Alors, on n'est pas là pour faire de la géopolitique hein, de comptoir, c'est pas tellement intéressant, mais indubitablement, il y a un chapitre de l'histoire occidentale qui se referme avec ce conflit, c'est indéniable. Puisque on va dire qu'avec la chute de l'Union soviétique et la guerre du Golfe en 1991, nous avons assisté à une vague de guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient, même dans le Grand Moyen-Orient, puisque ça va de la Libye, même de la Tunisie, de manière non assumée, jusque à pratiquement aux Philippines, hein, là aussi de manière non assumée. Et de manière assumée, de la Syrie jusqu'à l'Afghanistan. Et cette phase-là succédait donc au fameux 11 septembre, ce qui a été un moment charnière, 11 septembre 2001. Et aujourd'hui, en ce moment même, d'ailleurs, au moment où on parle, dimanche 15 août, eh bien, les Américains évacuent leur ambassade, comme ils ont évacué l'ambassade de Saïgon en 1975, quand les chars nord-vietnamiens ont envahi le jardin de l'ambassade américaine et probablement quand l'émission sera diffusée ou peu après, eh bien les talibans auront pris le contrôle de l'ambassade américaine. Donc c'est marrant puisqu'à 50 ans de distance, on revit un peu la même phase. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose là-dessus? Encore une fois, hein, pas dans le détail, mais sur cette conclusion de cette espèce de grande vague comme ça de guerre américaine pour imposer la démocratie dans le monde musulman qui se fracasse sur la résistance des moudjahidines afghans, comme les soviétiques se sont cassés les dents sur les moudjahidines afghans, et quelle conclusion vous en tireriez pour la suite si jamais vous deviez en tirer une, pardonnez-moi. Il y a quelque chose qui est intéressant en fait, et c'est constante avec ce qui s'est passé au Nord-Vietnam, c'est qu'une armée, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de conscription, l'armée occidentale, donc avec des soldats intelligents, formés, avec des moyens colossaux, peuvent être battus par des connards en slip, en tong, mais qui sont prêts à tout, qui n'ont pas peur de la mort. Et ça doit être une leçon pour nous, parce qu'en fait, on est confronté de facto à tout un système qui occupe nos pays. Et on sait qu'on va vers une guerre civile, minimum, et certainement une guerre raciale et religieuse également. Donc, premièrement, je dirais, il ne faut pas... Bon, les Afghans, c'est pas des nègres. Oui, d'accord, c'est pas le même genre de guerrier, hein, il faut pas prendre ça pour juste des connards en slip, même si je viens de le dire, c'est quand même des gens qui ont une très longue tradition de résistance hein, contre les envahisseurs extérieurs. L'Empire russe au 19e siècle s'est cassé les dents en Afghanistan. Alexandre le Grand a eu mal aussi là-bas quand il est allé. Les Russes aussi, plus tard au 20e siècle, les Américains, bon bref. Mais c'est quand même très intéressant parce que Non, on est censé être des, on est censé être ce qui se fait de mieux hein, sur la planète, on va dire. Donc que collectif, créatif, intelligent, plein de ressources et compagnie. Et on a donc ce système qui a des armées d'occupation sur notre territoire et qui sont ces armées d'occupation, donc la police, l'armerie, les armées nationales, qui sont malheureusement issues de nos stocks. Et on va forcément un jour devoir rentrer en conflit avec des gens qui sont issus de ces stocks-là, de ces corporations-là. Certains seront dans notre camp, d'autres seront en face. Et il faudra se tourner vers quelques, vers des exemples historiques, en fait. Pour que ce soit la stratégie, que ce soit pour la tactique, que ce soit pour la morale. Et en fait, voilà, on peut battre un ennemi qui est bien supérieur en conséquence, d'un point de vue matériel, d'un point de vue du nombre de combattants, d'un point de vue des moyens engagés, c'est-à-dire de la coordination. Par exemple, les talibs, bon, ils ont le courage, ils ont pas peur de mourir, ils sont musulmans, ils vont au paradis. Mais concrètement, ils ont quoi? Ils ont des kalachs, ils ont quelques RPG. D'ailleurs, les RPG ont fait beaucoup de dégâts aux Chinook, donc les bons hélicoptères américains. Ils ont un peu d'artillerie légère, mais c'est pas grand-chose. À côté de ça, ils se sont pris la foudre, la foudre de la puissance occidentale. Et les mecs, malgré tout, 80 000 bonhommes en tong, aguerris en tong, les mecs, ils ont mené une résistance telle qu'il y a eu des victoires américaines, bien entendu, c'est tout à fait normal, des victoires de la coalition même. Hein. Mais sur le long terme, qui ressort gagnant l'échange? Eh ben c'est pas l'Amérique, c'est pas la coalition occidentale. Je crois que c'est à méditer, ça. Quelqu'un d'autre comme première conclusion sur ce conflit? Dans les années 80, les Américains avaient utilisé les Mujahideen, enfin en tout cas les types qui étaient les plus en pointe au niveau islamique comme force d'opposition contre l'URSS. Les armées, etc. Et c'était à l'époque des combattants de la liberté comme Oussama Ben Laden, hein, qui était dans ce lot-là, hein, un combattant de la liberté à l'époque. Bon, force est de constater que ça n'a pas été que ça, ces gens-là ont été catégorisés comme ennemis depuis 2001 et se retrouvent maintenant à la tête de l'Afghanistan, puisque bon. L'armée fantoche et la démocratie, hein, ça c'est quand même très rigolo. Quoi. L'Occident qui vient dans des bouis-bouis comme l'Afghanistan apporter la démocratie, imaginons avec le Parlement, les lois, etc. On voit ce que donne chez nous l'État français qui soi-disant est basé sur des règles, sur l'État, sur le droit, et qui met tout à plat pour un rhume. Hein. Donc bon, c'est assez marrant à comparer. Donc bon, ce truc-là s'est effondré de lui-même, bien entendu, en Afghanistan. Autre chose, bon, c'est... Enfin, avant de passer à autre chose, c'est que tu as fait remarquer que l'Afghanistan était résolument contre le vaccin Pfizer. Hein, oui, ils ont interdit l'utilisation du vaccin sur leur territoire. Ils ont interdit l'utilisation du vaccin, ils ont diffusé des messages pour garantir la propriété privée. Oserais-je dire que ce sont des libéraux Des libéraux musulmans. Peut-être les islamistes totalitaires sont-ils plus libéraux que les Français qui vont fermer les gens chez eux et puis leur voler leur héritage. Je ne pense pas que les talibans envisage de mettre des taxes confiscatoires sur l'héritage au point où le sodomite Gabriel Attal l'envisage. Je pense qu'il y a, beaucoup plus de liberté de transmission du patrimoine chez les talibans que chez le sodomite Attal, qui est porte-parole du gouvernement français, faut-il le rappeler. Oui, c'est ça. Je crois que nous vivons un moment important quand même. Alors évidemment, ça nous fait rire, et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas croire ce qu'ils entendent, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que finalement, les talibans, contrairement à toute une espèce de propagande qui a consisté à les diaboliser après les avoir encensés, parce que tu l'as bien souligné, lorsqu'il s'agissait de s'en servir contre l'Union soviétique dans les années 80, la CIA a su en dire tout le bien qu'elle pensait, et même les fabriquer, puisqu'ils ont fabriqué, la CIA a fabriqué Oussama Ben Laden, dont la famille était proche de George W. Bush et de la famille Bush en général. Moi, ce que je retiens de ça, effectivement, c'est qu'on pourrait se retrouver dans une situation où ces talibans sont finalement les héritiers d'une très vieille façon de vivre, très archaïque, très islamique, bien sûr, mais coutumière, une façon de vivre coutumière, ancestrale dans ce pays-là, et qui n'est pas plus oppressive ou pas moins oppressive que ce qu'elle a toujours été dans ce pays sous la direction de ses chefs musulmans. Voilà. Alors, je ne crois pas, si vous voulez, que par rapport à ce qui existait en Afghanistan il y a 2 ou 3 siècles, ce que les talibans proposent soit particulièrement novateur ou extravagant. Je ne crois pas. En revanche... Alors, je suis pas d'accord là-dessus, je reviendrai. Hein. D'accord. Mais en tout cas, je pense qu'ils... Voilà, ils font leur truc, ils vivent leur machin, ils veulent d'abord et avant tout vivre entre eux, et cette bonne guerre. Moi, je veux dire, par rapport à ce conflit en Afghanistan, et je crois que tout le monde a été un petit peu sur la même position, et même peut-être aux États-Unis, personne n'a jamais vraiment compris l'objet du conflit. Voilà, on nous a dit, je me rappelle du temps de Sarkozy, hein, on nous avait dit qu'il fallait libérer les femmes afghanes de leur burqa. C'est une position qui a été défendue, il fallait libérer le corps des femmes afghanes. Et c'est comme ça qu'on vendait vraiment la présence du contingent français qui était sur place. Alors que ce n'était pas du tout la justification de la présence du contingent français. Le contingent français était simplement présent sur place parce que la puissance suzeraine exigeait de la part de son vassal, qui est la France, la présence de soldats français, ni plus ni moins. Donc si jamais des soldats français sont morts en Afghanistan, c'est simplement parce que les États-Unis l'ont exigé, ni plus ni moins. Il n'y a jamais eu d'autre finalité. Et d'autant que le corps des femmes saoudiennes, là par contre... Oui, voilà, je veux dire... bon, voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas de cohérence dans ce discours-là, que la contestation de l'application de la loi islamique dépend totalement de la part de la diplomatie française, de la puissance de l'État en question. Quand c'est les Saoudiens, quand c'est le Pakistan, on ne voit rien. Quand il s'agit de l'Afghanistan, finalement, il faut absolument intervenir pour les libérer. Vous avez bien compris que c'est parce que les Américains ont exigé de la France qu'elle intervienne que la France a envoyé des gens se faire tuer sur place. Bon, si des gens ont accepté de devenir, de nouer un contrat avec l'armée française mort sur place, ben malheur à eux, malheureusement, mais on n'y peut rien. Mais le conflit en lui-même n'a jamais eu de sens au-delà de ça, quoi. François Hollande s'était retiré assez tôt, et on est dans la situation actuelle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, finalement, dans tout ça, c'est à quel point tout le monde s'en fout. C'est un conflit dont la population européenne se fout totalement. C'est peut-être le truc le plus intéressant à relever, finalement. C'est à quel point les États-Unis sont partis là-dedans parce qu'ils l'ont décidé en 2001, Oussama Ben Laden, le 11 septembre, etc., la terreur. Et à quel point, 20 ans plus tard, personne en Europe n'en a strictement rien à foutre. C'est-à-dire que ça... Il n'y a que nous qui notons ça, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, il faut bien le relever. Donc Reuters et l'AFP vont en parler parce qu'il faut. Mais tout le monde s'en branle. Alors évidemment, pour le monde musulman, et je les comprends, je veux dire, les musulmans vont se dire on a remporté une victoire extraordinaire contre le grand Satan, là. Et tu peux pas leur en vouloir, je veux dire, c'est des gens, grosso, c'est une puissance du tiers-monde, en gros, hein, c'est un pays du tiers-monde, il n'y a même pas d'État sur place, les types vivent de bric et de broc, ils ont des problèmes, qui sont pas des problèmes militaires, genre, ils ont des problèmes de, d'irrigation, le problème de l'Afghanistan, c'est un problème d'eau, je veux dire, premièrement, c'est ça leur premier problème, c'est même pas des questions géopolitiques, finalement, au final... À l'usure, ils dégagent la première puissance mondiale comme les Vietnamiens les ont dégagés. Évidemment, pour eux, c'est un énorme prestige. Et ils ont raison d'en être très fiers. Et dans le monde musulman, ils vont être très fiers. Ils ont raison. Je serais agressé par une puissance musulmane et je l'emporterais. Je serais aussi fier. Mais grosso modo, en Europe, contrairement à une idée reçue, tout le monde s'en branle. Je veux dire, ça n'a jamais été notre conflit. On n'a jamais été impliqué au premier chef. On n'a jamais voulu, contrairement à ce que la propagande a voulu nous foutre dans le crâne, nous intéresser aux conditions de vie des musulmans. On s'en fout, je veux dire. Et ça, je crois que c'est la leçon qu'il faut retirer de ce conflit, c'est que si les musulmans veulent vivre comme des musulmans, c'est leur droit et ils font ce qu'ils veulent. Oui, comme des islamistes. Tu disais que c'était comme ça depuis 200 ans. En fait, non, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que... Jusqu'aux années 70, tu avais un islam, pour le coup, coutumier, soufi, qui était en place en Afghanistan. Là, il faut voir, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, le documentaire d'Arnaud Desjardins, qui, dans les années 70, il s'appelait « Soufi d'Afghanistan », où les types commençaient déjà à disparaître. Hein, c'est-à-dire qu'ils commençaient déjà à y avoir les prémices des talibans qui venaient tout cadrer par rapport à tout ce qui pouvait être assimilable à un culte des saints dans l'Occident, ou enfin une forme de polythéisme, un culte des morts, etc. Donc tous ces gens-là ont été éliminés par la suite. Donc c'était pas comme ça pendant 200 ans. Ouais, mais je suis d'accord. Et même dans les années 70, si tu veux, tu avais pas mal de hippies qui allaient dans... qui faisait des trajets en moto, les mecs, d'Europe jusqu'à l'Inde. C'était très, très calme comme coin. Hein. Peut-être ont-ils été radicalisés en voyant les boomers de l'époque particulièrement dégénérés, en disant « Putain, qu'est-ce que c'est ces fils de pute à la voie de barre ?» Non, ce qui les a radicalisés... C'est pas la vraie valeur des talibans avant d'être des islamistes, hein. Bien sûr, c'est des islamistes. C'est que ça s'était rappelé d'ailleurs... par l'article qui était propulsé cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, c'est que c'est surtout en fait des nationalistes au départ, quoi. C'est-à-dire que pourquoi ils ont les faveurs des foules quand ils se pointent dans les capitales, c'est parce qu'en fait c'est des Afghans qui veulent être maîtres en Afghanistan de base. Et ensuite, bon, ok, c'est des musulmans, mais ok, la belle affaire, quoi. Très bien, les talibans veulent voler leurs femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre pour commencer ? Je veux dire, c'est tellement commun pour eux, ça leur parle même pas, quoi. Ils voient pas où est le problème. Disons que ce qui a, tu disais, oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut être prudent avec ce truc. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on est dans une société montagnarde. La géographie joue un grand rôle. Traditionnelle, très traditionnelle. Ah non, ça a été très traditionnel et tribal. Tout le temps. Oui, mais les talibans, oui, c'est une exacerbation face à une agression extérieure qui a été d'abord soviétique. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au fond, quelque chose qui est venu d'Arabie Saoudite. C'était quand même une. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Du globalisme islamique qui est arrivé dans les années 70 et puis qui s'est développé. Ça a pris racine. Je suis d'accord, mais c'est pas quelque chose de séculier, quoi. Non, je veux dire, mais comment dire, si tu veux, ils ont d'abord été, enfin, ils étaient dans la sphère d'influence soviétique. Communistes, et les communistes ont utilisé la manière dure contre eux, les soviétiques, et les Américains ont déversé du pétrole sur l'incendie, ce qui évidemment a produit les fruits qu'on a vus. Mais quand on détruit ton pays, quand les communistes envahissent ton pays, le détruisent, parce que les soviétiques, c'était pas piqué des hannetons, hein, quand même. Bon, Si tu veux, tu vas essayer de te défendre, tu vas essayer de défendre ton pays, tu vas essayer de dire voilà, qu'est-ce qui me différencie de l'autre, et tu vas utiliser tout ce que tu as sous la main. Donc d'abord, tu vas utiliser ta propre tradition, la tradition islamique. Ensuite, tu as des acteurs extérieurs, donc tu as la CIA qui arrive, qui va dire ouais, ouais, finalement, pourquoi pas réactiver toute une vision du monde djihadiste, etc. contre. Et voilà, et ensuite, ça crée une dynamique. Mais je pense en fait que. Maintenant, et ensuite les Américains. Ah, maintenant, tout à fait. Maintenant, je pense qu'ils sont très populaires, pour le coup. Voilà, ils sont très populaires, mais je pense en fait qu'assez vite, la société afghane, au bout d'un moment, je veux dire, au bout d'une dizaine d'années, bon, finalement, tout ça va se sédimenter. Oh, moi, c'est... Voilà, elle va revenir à son rythme, etc. Je pense que. Voilà, ils seront musulmans traditionnels, etc. Mais je pense pas qu'il y aura de grands. Voilà, parce qu'ils auront des problèmes immédiats à gérer, des problèmes de santé, d'alimentation, etc., qui ne sont pas du tout des questions religieuses. La question religieuse est très importante quand il s'agit de mobiliser contre un ennemi extérieur. Ils ont eu les Soviets, ils ont eu les Américains. Évidemment, les talibans ressortent. Je crois que le prestige taliban va surtout rejaillir. Auprès de la population, bien sûr, mais je pense assez vite qu'ils vont vite se quereller en disant « Non, mais là, pas comme ça, pas comme ça. » Mais je pense qu'à l'extérieur, ils vont dire « Voilà, c'est la première grande résistance musulmane qui a gagné contre l'empire des infidèles, l'empire de Satan. Même plus que l'Iran, parce que l'Iran n'a jamais réussi à mener une guerre comme ça, victorieuse contre les Américains, ni aucune puissance sunnite, en fait. » Il n'y a aucune puissance sunnite qui a gagné contre le grand Satan. Aucune. Ça, il faut le mesurer, quoi. Donc, je pense que l'Afghanistan... Oui, c'est vrai, c'est historique, à ce qui se passe. Ouais, voilà. C'est, on n'en parle pas. Ça passe là. Oui, parce que tous les néoconservateurs qui nous ont vendu toute leur guerre de merde pendant 20 ans, ils ont souillé leurs pantalons. Donc, évidemment, ils vont pas s'en... pas très propres aussi au niveau des questions... Enfin, la raison première de l'intervention, hein, c'était... Bah, le 11 septembre, voilà, qui est un truc complètement... On rappelle quand même qu'officiellement, il y a des barbus qui étaient perdus dans une grotte. Ils sont devenus professionnels à Flight Simulator. Ils ont fait des acrobaties de type Top Gun à New York. Et puis, du coup, tiens, on va aller péter la gueule à tout le monde, quoi. Plus ou moins, pour les jeunes qui se demandent si c'est. Enfin, quand Pierrot parle de Flight Simulator, c'est la version officielle. C'est la version officielle de la CIA du Pentagone. C'est la version conspirationniste officielle. Ouais. Alors, moi, je dis ça pour déconner, je ne savais même pas que c'était officiel. Si, non, c'est officiel. C'est-à-dire que les pirates de l'air du 11 septembre ont appris à piloter sur quelques avions de tourisme type Cessna et ils se sont perfectionnés en même temps sur Flight Simulator. C'est la version officielle. Fulbert, il m'inquiète du coup. Parce que Fulbert serait pas un agent. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Et en fait, le 11 septembre et ce qu'on vit actuellement, c'est voilà, on a les deux bouts de l'arc. C'est-à-dire que le 11 septembre 2001, qu'on a tous vécu, je pense, en direct, même quand on était très jeunes, c'est le début du film. Et la fin du film, c'est ce qu'on voit là. C'est l'évacuation de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Il ne reste plus grand-chose en Irak. Ils vont bientôt partir. Et cette grande campagne qui visait à remodéliser le Moyen-Orient pour en fait des sociétés équivalentes aux sociétés européennes, c'est-à-dire des sociétés totalement juives, a échoué. Et maintenant, les talibans ont un prestige, et l'Afghanistan a un prestige énorme dans toute la résistance islamique internationale face à l'Occident, et d'abord l'Amérique. Évidemment, les Européens, tels qu'ils sont, évidemment, ils vont retourner leur voir leur film à la con, bouffer leur putain de hamburger à la con dans leur McDonald's à la con. Mais pour ce qui concerne la résistance du tiers-monde musulman, pour eux, c'est une victoire énorme. Énorme. Pour eux, c'est le champ des Thermopyles, si vous voulez. D'accord ? Il faut bien le mesurer, ouais, ça. Nous, les jeunes, ouais, j'ai remarqué hein, que les jeunes nés fin des années 90, début des années 2000, ne prennent pas en considération, comme ça peut, à mon avis, au niveau où c'est symbolique, le 11 septembre. Enfin, ils ont pas vécu ça. Bah, ils l'ont pas vécu, donc ils disent ouais, c'est un petit peu ouais, comme la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy. Oui, voilà. Et puis non, mais ça s'est passé. Les complotistes, machin. Oui. Dancing Israelis, si tu veux déjà. Et non, ça a été le tournant, si tu veux, le tournant de beaucoup de choses par rapport à l'Occident et au monde en général. Absolument. Ah, mais le Patriot Act, hein, qui a privé les Américains de pas de liberté, mais qui au contraire les a privés de privacy. Bon, vie privée. Oui, ouais, mais même de toute façon. Ouais, de vie privée. Oui, c'est un petit peu ce qu'on a nous avec l'état d'urgence permanent. Non, mais en fait, sanitaire. En fait, c'était la matrice de tout ça. Exactement, c'était la matrice, c'est-à-dire qu'en fait. Pour moi, hein, c'était une gestion autant intérieure qu'extérieure, mais il y avait une vocation quand même expansionniste. Là, maintenant, le monde occidental, alors évidemment démocratique juif, hein, pas le monde européen tel qu'on le conçoit, d'ailleurs tel que le monde extérieur l'a compris jusqu'à une date assez récente, mais donc le monde occidental dominé par les États-Unis est maintenant en voie de régression accélérée. Je précise que je m'en félicite, hein. Mais le 11 septembre a consisté autant intérieurement qu'extérieurement à décréter qu'il existait un ennemi invisible, le terrorisme, qui permettait de prendre des tas de mesures. Et depuis 20 ans, on s'est bouffé des mesures antiterroristes ahurissantes. Et là, ils ont basculé, ils ont radicalisé et intensifié les mesures. Et maintenant, c'est la menace sanitaire. La menace sanitaire, c'est exactement comme la guerre à la terreur de Bush. C'est la même chose, mais c'est infiniment plus invasif. Ok, là, c'est le virus, il est à vos portes, il est chez vous, le masque, etc. On est dans le même truc, dans le même conditionnement qu'au lendemain du 11 septembre. Le lendemain du 11 septembre 2001, dans les rues de New York, enfin, dans les semaines suivantes, c'était de la folie furieuse. Je veux dire, ils cherchaient des traîtres partout, c'était... Comme aujourd'hui, ils cherchent des contaminés partout. C'est le même degré de folie collective. D'accord ? Il n'y a pratiquement personne qui fait l'analogie. D'ailleurs, je m'empresse de le faire remarquer. Et demain, parce que je vais... faut pas s'arrêter là où on est. Demain, c'est le climatique. Et l'avantage, si vous voulez, de la menace sanitaire, de la menace terroriste, de la menace climatique, entre guillemets menace, il n'y a pas de fin. C'est un ennemi... qui n'a ni début, ni fin, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est tout l'avantage pour les dirigeants. Et ne croyez pas que ces gens-là n'ont pas compris. On est maintenant, mais avec le sanitaire, on a basculé par rapport au terrorisme. Le terrorisme, c'était encore assez limité. Le sanitaire, ça y est, c'est tous azimuts. Le climatique, ça sera total. Ça sera vraiment total. Là, ça va être ce que vous avez le droit de consommer, etc. Contre une menace imaginaire, hein. C'est voilà, il faut lutter contre un degré de plus. Et les gens vont l'avaler. Et ne vous dites pas que les gens ne vont pas y croire. Parce que je sais que les gens vont dire « Non, mais c'est pas possible. » Oui, bah, les gens, vous auriez dit il y a 2 ans, « Non, mais en fait, nous allons basculer dans la société actuelle où on va virer des gens de leur boulot parce qu'ils sont susceptibles d'avoir, je ne sais pas quel virus, la grippe, machin. On va les interdire de soi. » Les gens t'auraient rigolé au nez, ils t'auraient traité de fou. Bon, on y est. Demain, c'est le climat. Voilà, on va y être. Ce système va aller au bout. Et l'Afghanistan, c'est un peu le symptôme de ce truc-là. Et je me félicite vraiment de la défaite des États-Unis en Afghanistan, parce que c'est pas la défaite des États-Unis, c'est la défaite de ce système, pour le coup, véritablement totalitaire, juif, antinaturel, qui veut avilir profondément l'humanité. Avec son culte de l'anus LGBT, son culte de l'Holocauste, sa divinisation de l'État d'Israël, etc. Toute cette merde a été écrasée en Afghanistan. Alors, ce n'est pas mon modèle de société, hein, évidemment, la société tribale afghane, islamique, hein, mais je suis content qu'ils aient gagné. Je suis content qu'ils aient gagné. C'est une société traditionnelle, montagnarde, de l'Orient islamique, voilà, bon, ils ont gagné chez eux, ils ont viré ces putains de juifs de leur pays, je dis bravo, voilà, je dis bravo, et je dirais toujours bravo, peu importe le système, peu importe la culture, peu importe la langue, peu importe la religion, à tout État et à tout peuple qui virera les juifs de son territoire, sans discrimination aucune, vous voyez comme quoi je suis très tolérant, voilà. Mais c'est un vrai tournant. Et il suffit de voir, hein, le compte Twitter de Bernard-Henri Lévy en surchauffe absolument paniquer face à cet effondrement total. Bon, il reste en fait, de toutes les guerres d'agression américaines, qu'est-ce qui reste? Il reste la Libye un peu, qui n'a pas été soldée, et un peu Syrie. La Libye a été récupérée par Erdogan. La Syrie était récupérée par les Russes, du coup. Il y a encore un peu de troupes américaines. Bon, évidemment, c'est pas très glorieux, mais ils ont encore un nez là-dedans. C'est pas soldé aussi proprement. Et ils ont encore un nez aussi un peu en Irak. Vous voyez, quelques milliers de troupes comme ça. Bon, c'est pas très propre. Mais bon, voilà. Enfin, le grand plan d'origine est complètement vautré. Bravo, quoi. Parce que pourquoi bravo? En fait, on revient à la racine de ce projet fondamental, de cette perversion de l'esprit européen qui consiste à vouloir transformer les autres peuples, les autres cultures, les autres nations en miroir de nous-mêmes, sur ordre des Juifs et sur les canons culturels des Juifs. Et ça, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas transformer les Afghans en Américains. Tu parles des Juifs. Non, mais il n'y a pas que. Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les catholiques n'ont pas attendu les Juifs pour vouloir trouver une âme chez les nègres et vouloir en faire des frères en Christ. Le problème, c'est la mentalité sémitique qu'on va retrouver en islam, qu'on va retrouver chez les chrétiens et qu'on va retrouver chez les juifs. Les juifs ne sont pas prosélytes au sens strict, mais ils projettent sur les autres, leur propre conception. Mais ils ont toujours cette distinction raciale parce que les juifs sont fondamentalement racistes. Mais il y a cette racine commune du sémitisme qui consiste à imposer aux autres ses propres représentations. Et en Afghanistan, ça a échoué. Alors c'est marrant parce que finalement, c'est le sémitisme démocratique qui échoue contre le sémitisme musulman en fait en Afghanistan. Quoi. Mais tant mieux! Tant mieux! Tant mieux! Mais moi, ce que je veux voir, c'est la défaite du sémitisme démocratique en Europe. Ce qui est malheureux, c'est que cette défaite-là, elle se paie dans le sang de dizaines de milliers de jeunes blancs. Quoi. Non, c'est quelques milliers de blancs sur le terrain. Bon, tu me diras, c'est toujours trop, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, les autochtones ont payé aussi leur propre prix. Mais écoute, je veux dire. Moi, je suis désolé, je veux dire, cette guerre a quand même été faite en Afghanistan au nom du féminisme, quoi. Ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Je veux dire, ça a été vendu, Sarkozy a vendu ça comme ça, ils ont tous vendu ça comme ça. C'est, on va en Afghanistan pour libérer le corps des femmes afghanes. C'est-à-dire qu'ils voulaient transformer, alors, rétrospectivement, ce n'était pas expliqué comme ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui rétrospectivement explique ça comme ça, mais le projet de société qui était défendu en Afghanistan, c'était de transformer tous les Afghanes en instagrammeuses, quoi. C'est... les talibans ont dit non, nous on préfère le patriarcat, le patriarcat des guerriers des montagnes, les juifs, allez vous faire enculer, voilà. Alors évidemment, hein, ils sont pas très fringants sur leur mobilette et tout, avec leur sarouel, etc. Bon, oui, ils ont leur look, ils sont chez eux, bon, écoute, ils s'habillent comme ils veulent, ils sont chez eux. Mais au moins, ils sont les maîtres chez eux. Et je vais vous dire un truc, hein. Ces mecs-là ont viré les juifs de chez eux, et ben en France on est très loin d'avoir viré les juifs de chez nous. Les juifs, les juifs, les nègres et tous les étrangers. Donc si vous voulez, ça force l'humilité. C'est peut-être un pays du tiers-monde, qu'on aime, mais ils sont maîtres chez eux. C'est quand même un pays du tiers-monde qui a mis la rouste à l'URSS à l'époque où, pour le coup, c'est... Ils ont tellement mis une grosse à l'URSS que l'URSS s'est effondré derrière. L'URSS c'était pas petit, c'était pas une petite histoire à l'époque. Et peut-être est-ce aussi un signe d'éclat. Oui, je crois quand même que oui. Oui. De l'empire judéo-sodomite américain. Oui. On peut mettre la France dedans d'ailleurs, hein. Faut pas s'épargner. Oui, on peut mettre la France dedans. Oui. Je vois mal les troupes composé de transsexuels. oui, donc bon, faire quoi que ce soit, où que ce soit d'ailleurs. On atteint. Oui, bon, par les drones peut-être. Oui, oui, bon, il y aura des drones. Mais dès qu'il va s'agir de trop au sol, j'aimerais bien voir des travelots intervenir. Ça serait très rigolo. Bah d'ailleurs, puisque je vois. Vas-y, Fulbert, je ne vais pas te couper. Bah, je dirais, pour continuer ce que dit Derrick, c'est fait. C'est fait parce que tout à l'heure, vous avez parlé comment est-ce que les armées, avec de l'équipement sophistiqué, etc., ne réussissent pas à vaincre les talibans. Mais c'est simple. Quand on voit aux États-Unis, c'est tout récent, des groupes de militaires américains se parer du drapeau multicolore des LGBT. Quand on voit des bases américaines lors d'un anniversaire de libération de ceci ou de cela, qui elle aussi ajoute à ces drapeaux, aux trois drapeaux, inclut le drapeau des LGBT. Donc on se retrouve dans le cas que Derrick a dit, avec des avertis qui vont faire la guerre. Leur chef les défend. Il y a un général américain qui a eu, j'ai oublié son nom, une grosse déclaration à propos des LGBT il y a quoi, dans les deux semaines qui viennent de se passer. Mais c'est pas tout. C'est que, plus récemment, avec la victoire, on peut le dire, des talibans, on va avoir une chiée d'Afghans qui vont arriver, que l'on présente comme étant des malheureux qui fouillent la dictature, l'islamisme et mon cul. En fait, ce qu'on va récupérer en Europe, eh bien c'est simple, c'est tout ce qui ne tiendrait pas le coup 2 heures en Afghanistan, c'est-à-dire tous les tarés, toute la pourriture que l'Occident, par la présence de ses armées, a permis en Afghanistan. Et on va avoir tous les LGBT, tous les avertis de toutes les sortes, les transgenres, les féministes, même des écologistes et compagnie, qui ont tourné leur regard vers l'Occident et qui vont arriver. Et la meilleure, si vous regardez l'actualité d'hier et d'aujourd'hui, ou même d'avant-hier, je parle en jour, je ne parle pas en période, eh bien, vous verrez que nos dirigeants, tarés jusqu'au fond de leur faveur, sont déjà occupés à se disputer pour se partager toute cette pourriture qui nous arrive. Ah ben, Trudeau a annoncé 20 000 clients. Ah ben oui, mais ils se disputent déjà. Écoute, je ne vais pas dire ce que j'ai lu, mais il suffit de regarder un peu la presse. Oui, non, mais totalement. Oui, la presse française a déjà dit qu'il fallait se préparer à recevoir, etc., machin, des réfugiés, blablabla. Bon, on a déjà eu ça, si tu veux, avec la Syrie. Bien sûr. Les réfugiés syriens que nous avons eus, ils s'appelaient Babacar Gaye. En fait, ils venaient de Guinée et du Mali. Je prévois que les réfugiés afghans qui vont arriver... Ça s'appellera aussi Babacar Gaye. Oui, probablement. Voilà. Il y a toujours des intercessions divines dans ces trucs-là. Parce que bon, les Afghans, ils pourraient venir, mais il y a quand même suspicion qu'ils veuillent balancer des PD du haut des toits. Tu vois, c'est quand même. Oui, voilà, ça déplaît à certaines personnes. Au sein de la mairie de Paris, ça. C'est une idée qui a du mal à passer quand même. Hein. Et alors que le nègre est bêté, tu vois. Ah oui, oui. Ah, parlons de nègre, peut-être est-ce l'occasion de passer à la partie suivante avec Florian Philippot. Voilà, voilà, on va. Parlons Homo erectus. Homo erectus qui donc l'homosexuel. Hein, qui a une érection. Qui a une érection et qui s'entoure. Qui s'entoure d'Homo erectus, d'un animal, d'une créature issue du paléolithique, pour aller faire la chasse, la chasse aux Français, la chasse aux Blancs. Mon Dieu, c'est bourrelet sous orbitaux, ce crâne, ce volume crânien, digne, le type a le volume crânien d'un chinchilla, si tu veux. Il fait 1m90. Il doit faire 95 kilos, il a volume crânien d'un chinchilla. C'est fascinant. Mais la France, la France est fascinante. Ah, la France est fascinante. La France est un pays surnaturel. Hein. Avec une destinée surnaturelle. Ouais, c'est exactement. On va parler des manifestations. Manifestations qui ont connu une baisse de fréquentation, indubitablement. Hein. C'est la réalité du terrain. C'est le week-end du 15 août. Hein, ouais. Voilà, week-end du 15 août. Les gens qui sont en vacances bougent, c'est normal. Hein. Oui, c'est normal. J'estime qu'on est à peu près sur 400 000 personnes. Et il fait une chaleur particulièrement sordide en France, pour le coup. Hein. C'est vrai. On est à peu près à 400 000 personnes. On était à peut-être 500, 600 000 la semaine dernière. Donc voilà, il y a un petit phénomène de décrue. Ça va dépendre toutefois des villes. J'ai eu des échos. Ça varie selon les villes. Il y a des villes où il y a plus de monde, paradoxalement. Et il y a des villes où il y a moins de gens. Donc, bon, c'est toujours un petit peu au prorata. Mais ceci étant dit, il y a quand même eu une forte mobilisation et nous ne sommes jamais qu'à 2 semaines de la rentrée. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début de l'été, on est pas à la fin de l'été en tant que saison, mais on est à 2 semaines donc, de la rentrée effective et dans 2 semaines, les gens vont rentrer dans le dur des mesures prévues, surtout que nous n'en sommes qu'au début, parce que... On est dans le gros des congés, pour le coup. Hein. Voilà, on est dans le gros des congés. Voilà, c'est là, et ben, la semaine prochaine aussi, ça sera... Là, pendant 10 jours, c'est le gros des congés des Français. Voilà, c'est ça. Mais, ceci étant dit, les mesures de restriction vont s'intensifier, puisque déjà, on fait flotter dans l'air la troisième dose, c'est affirmé. On sait maintenant que Pfizer, le vaccin Pfizer, s'affaiblit considérablement à ce stade, donc vous pouvez déjà considérer comme acquis la troisième dose et en fait la quatrième dose, la cinquième dose, etc. Bon, on va sur du trimestriel à mon sens et à tout le moins au moins du semestriel. Alors évidemment, ils n'ont pas encore annoncé ça à la population, mais c'est vers ça qu'on va. Et beaucoup de gens aussi, comme ils sont en vacances, ils ne sont pas encore face aux mesures de restriction, ils ne les vivent pas au quotidien ou ils les vivent partiellement, pas dans le cadre de leur travail, etc. Donc il y a encore un certain flottement, rien d'étonnant là-dessus. Vas-y, oui. Ouais, parce que, bon, à l'état descriptif de la situation, l'endroit en France pour le moment où il y a le plus de réticence à se faire piquer, c'est le sud-est de la France. Et là, à partir de lundi, donc l'émission sort mardi, les grands centres commerciaux de PACA, par arrêté préfectoral, vont obliger ceux qui y rentrent à avoir le pass sanitaire. Donc ce sera quelque chose à observer. Mais les grands centres commerciaux, ça se mesure... parce que dans la loi, c'est prévu 20 000 mètres carrés, mais... Oui, non, mais la loi, ça c'est une chose, mais il est prévu qu'il y ait des arrêtés préfectoraux pour aller au cas par cas. Donc il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été mis en place pour faire en sorte que les grands centres commerciaux de toute la région PACA, des Alpes-Maritimes, donc aux Bouches-du-Rhône, Vaucluse, etc. Mais grand, ferme, enfin, grand c'est grands. Quoi grand? Tu vois ce que je veux dire? Grand, c'est quoi? Écoute, nous, chez nous, on a des trucs, des gros trucs. Des trucs, des gros carrefours, des gros champs, des gros trucs. Et ces trucs-là, enfin, où la plupart des gens vont habituellement, ça ne sera pas possible d'y aller. Il faudra aller dans les petites supérettes, comme on dit, pour faire les courses. Ouais. C'est-à-dire que... est-ce qu'on peut mesurer en termes de caisses? Tiens, ça c'est une façon de mesurer. Combien de caisses y aurait-il dans ce que tu qualifierais de grand? Combien de caisses? Pas une quarantaine. Oh, mais ça en a, ça. Ben, ça va... Des trucs quarantaine de caisses, il y a une quarantaine de voitures? Non, caisse, caissière, là, par là où tu paies, quoi. Oui. Ah, d'accord. Mmh. Ouais, ouais, pour mesurer la taille, en fait. C'est grand, quand même, 40. Hein. Ah oui, c'est grand, ah oui, c'est grand. 30-40, c'est grand. Hein. Donc, franchement, t'as des endroits qui vont être fermés et ils n'ont pas 40 caisses. Hein. Ils en ont, une vingtaine. Parce qu'en fait, c'est pas que. En fait, c'est ça l'encul. C'est que c'est pas la superficie seulement du centre, enfin du magasin, enfin du Auchan ou du Leclerc qui est prise en considération. C'est la superficie de tout le centre commercial. Donc quand on dit centre commercial, c'est comme les malls aux États-Unis. Ouais. C'est tous ces grands ensembles dans lesquels tu as des tonnes d'enseignes différentes. Voilà, la galerie marchande. Et c'est ça la baise. Parce que moi, je vois perso, dans ma ville, il y en a plusieurs comme ça qui vont être fermés, dont des magasins au centre-ville, enfin, dont des centres commerciaux du centre-ville qui vont être interdits aux non-vaccinés. Alors qu'en fait, le centre commercial en lui-même, en fait, l'enseigne commerciale, le grand magasin en lui-même, il n'est pas si grand que ça, tu vois. Mais parce qu'en fait, comme ça fait partie d'une énorme structure, et ben à ce moment-là, ben, ça rentre dans les 20 000 mètres carrés, quoi. Ce qui va te rester, ça va être alors, tant mieux, tu feras des économies, tu me diras, mais il va te rester les Lidl ou alors les épiceries de quartier, voilà, quoi. Ouais. Je m'y adapte assez bien, moi, ce genre de truc. C'est vrai que aller dans les petites supérettes, etc., bon, j'ai déjà. Aller dans les grands trucs où tu as un monde de fou, c'est assez infernal. Donc, c'est bien qu'ils fassent leur truc. En tout cas, il faut que nos auditeurs aient le pli de s'adapter en prenant ça un petit peu. Voilà. En faisant pas une montagne, quoi. C'est un petit peu l'ambiance en ce moment. J'ai vu un truc marrant, un petit peu en guise d'apéritif. C'est un député français qui se plaignait, hein, c'est Jean-René Cazeneuve, qui se plaignait d'avoir eu sa tête affichée dans le métro. Je cite son tweet. « Ma tronche jetée à la vindicte populaire dans le métro, ces méthodes nauséabondes qui fleurbont les années 30 » ne me feront pas céder. Je continuerai avec la majorité des Français à lutter contre cette pandémie, dit-il. Alors, est-ce que, chers amis, vous vous reconnaissez dans le propos de M. Cazeneuve qui lutte contre le retour des années 30 et du fascisme, donc pour empêcher les gens de se soigner, de manger? Moi, je note le retour des années 30 et souhaite avec... Oui, moi j'espère aussi le retour des années 30. Ah, oui, mais moi je souhaite plus le retour des années 40 en fait, moi, davantage. Exactement. D'ailleurs, effectivement, les années 30 c'est bien. En Allemagne c'est bien. C'est bien. Alors les années 40 c'est quand même beaucoup mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Moi, ça me fait rigoler parce que les mecs sont toujours en train de chialer sur la démocratie, l'invoquer comme un étendard magique. Et je poserai une question juste à ce fils de pute. J'aimerais lui poser la question, savoir qu'est-ce qui définit la démocratie. Est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir des citoyens responsables et des représentants des citoyens qui soient responsables de leurs actes et de leurs décisions? C'est de la théorie, ça. Hein. Oui, non, je sais que c'est de la théorie, mais je veux dire, les mecs sont toujours en train de parler de démocratie, sauf qu'à Athènes, on en revient toujours là, celui qui est citoyen, c'est l'homme, Athénia, donc pas le métèque, pas l'étranger, même si les Grecs, c'est pas les gonzesses, c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Parce que c'est celui qui soit est déjà allé sur le champ de bataille, soit qui va y aller. Et quand on prend la décision de partir à la guerre contre une autre cité grecque, contre des forces étrangères, on sait qu'on va en payer les conséquences, en fait. Donc, le vote vient avec la responsabilité. Et les actions politiques, les décisions politiques viennent avec la responsabilité, les conséquences que l'on doit supporter. C'est ça, la démocratie. Donc, quand ces mecs-là, on sait très bien que la démocratie, c'est un faux étendard juif, mais quand ces gens-là hurlent au loup, en fait, et invoquent la démocratie, moi j'aurais juste envie de leur dire ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule parce que tu es un représentant, tu es soi-disant un élu, tu es soi-disant quelqu'un qui est là pour le bien du peuple, et donc quand tu prends des décisions, tu dois en assumer les responsabilités. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas en démocratie, donc tu fermes ta gueule. Je n'utiliserai pas une rhétorique démocratique, hein, à propos de ce mec-là. C'est intéressant de voir cependant qu'ils ne sont pas très friands de voir leur nom cité par le peuple. Ça leur déplaît relativement. Hein. Dans la presse juive, oui. Ils aiment bien voir leur nom étalé dans la presse juive. Dans les rues, un peu moins. C'est... voyez, c'est non, pas tellement, pas tellement. Voyez, ça c'est un aveu qui est en creux. Alors messieurs, nous avons des témoignages de la part de tous les démocrates. Alors je tiens à saluer tous les démocrates qui ont manifesté. Nous avons reçu énormément de comptes rendus. On peut pas tous les citer malheureusement. Bonjour, je vous fais part, je vous fais un rapide, pardonnez-moi, je fais un rapide retour de terrain. S'il vous intéresse, au sujet de la manifestation du 14 août sur Paris. Nous étions à la manifestation de Philippot, dont chacun pense ce qu'il veut. Je ne parlerai ici que de son sens politique ou de son orientation politique. Arrivé dans le cortège à 14h30, place de la Catalogne, avec une pancarte. Qui ? Je croise deux démocrates avec qui je discute. Je prends la température et la sécurité vient me voir. Monsieur, la pancarte marquée « Qui ?» ne va pas être autorisé pour la manifestation. Moi. Pourquoi ? La sécurité. Parce que le qui, ça donne une mauvaise image de nous, de la manifestation. Vous comprenez ? Moi. Aujourd'hui, c'est un qui. Et demain, ce sera quoi ? Après quelques autres phrases pour m'expliquer, que je desserre politiquement la manifestation, nous concluons que je garderai ma pancarte. Quelques minutes se passent, d'autres démocrates nous rejoignent, et nous sommes à nouveau dérangés par la sécurité. S'en suivent encore des échanges. À cinq contre moi pour me dire de baisser ma pancarte. Je suis formel, je ne baisserai rien. Et l'affaire semble s'arrêter là, quand nous décidons de rejoindre un autre groupe de démocrates situé à quelques dizaines de mètres de là. Soudainement, le numéro 2 de Philippot, qui mesure 1m60, je subodore que c'est Richard Mose, le sodomite, me saute sur le bras pour m'arracher la pancarte, mais manque de bol, n'est pas assez grand. Il agrippe mon bras, je change la pancarte de main. L'insulte de sale pute, et quand je m'apprêtais à lui faire son affaire, une femme s'interpose pour nous séparer. Nous avons finalement rejoint l'autre groupe, serré quelques mains, et la sécurité revient à la charge pour nous saisir nos pancartes, dont certaines étaient bien plus explicites que la mienne. Nous commençons à nous fâcher, mais le groupe d'une vingtaine de démocrates ne suit pas. Ça se jouait à quatre de notre côté contre au moins huit gars de la sécurité en face. Au milieu de l'embrouille, intervient un policier qui nous explique que les pancartes n'ont rien de répréhensible, mais qu'en l'état, le trouble causé va justifier d'intervenir. Et nous allons nous faire sortir. Nous devrions poser les pancartes et aller faire la manif sans faire d'histoire. D'accord, alors soit, nous laissons tout et nous donnerons de la voix. Le cortège démarre, nous avançons et commençons à demander « qui ?» en criant comme des fous. Tout le monde nous regarde et beaucoup nous répondent à leur tour « mais qui ? Qui ? Qui ?» Les sympathisants démocrates étaient plus d'une centaine, sans hésitation, dans cette manifestation. Je précise que nous n'étions pas plus de 8000 avec Philippot, je pense. À un moment, la Providence nous donne un sac McDonald's dans une poubelle et nous décidons de refaire une pancarte de fortune. « Qui ?» est interdit, alors ce sera juste un point d'interrogation, tel le sphinx dans Batman. Ces petites salopes de la sécurité viennent nous voir et commencent à nous regarder de plus près, nous demandent. Mais que signifie ce point d'interrogation? Donc c'est des nègres, il faut bien se dire ça. Bah c'est juste un point, quoi. Bah c'est juste un point, quoi. Ah d'accord. Ils nous laissent continuer, puis 2 minutes plus tard, reviennent à la charge, sûrement après avoir confirmé auprès de la tête de la manifestation qu'un point d'interrogation était bien un signe antisémite, entre guillemets. Et tentent de nous arracher le papier des mains. Nous nous débattons quelques minutes, les faisons tourner en bourrique, mais ils finissent par récupérer le sac de McDo. Il nous faut autre chose. Nous trouvons une feuille et écrivons « Merci qui ?» le fameux slogan de Jackie et Michel. Et je défile avec, et de nombreux camarades sur le chemin, et me lance des « qui ?». Nous arrivons au point final de la manif et un attroupement de camarades se forme au pied d'une statue. Je constate que des pancartes ont survécu. Nous faisons un groupe et un mec de la sécurité vient nous prendre nos pancartes. Nous l'envoyons chier et un camarade sorti de nulle part l'embrouille. Manque de la frapper et lui balance une canette de bière dessus en lui disant que s'il revient, il lui explose la gueule. L'action de cet agitateur fut salutaire. Elle nous a dévergondés. Le type de la sécu appelle du renfort. En fait, il appelle tout le staff. Une quinzaine ou plus de macaques et bougnoules arrivent pour nous déloger avec à leur tête un arien qui a leur contact répété s'est mis à parler comme eux. Je gueule. On fait un bloc ! Nous leur tenons tête et les menaçons. Le premier qui touche une pancarte, on lui défonce le crâne. Les règles sont posées. Nous nous mettons à scander. La France aux Français ! On est chez nous ! Qui ? La sécurité est dépassée. Ils voient que nous ne lâcherons rien, alors ils essayent de parlementer. Pour juste prendre la pancarte « Stop au génocide gaulois ». Le bougnoule mental tente de pénétrer le bloc. Je l'arrête de la main, lui dit. « Qu'est-ce que t'as pas compris ? Les pancartes n'ont rien d'illégal, on les garde !» Le type désemparé nous dit qu'on peut les garder, mais qu'on ne doit pas trop les montrer, on desserre la cause et blablabla. Compte là-dessus, baltringue. Nous avions marqué une victoire décisive sur la horde du Mordor guidée par le Saruman de la sécurité. Le discours de Philippot commence et nous continuons avec nos slogans. On gueule à s'époumoner. Qui ? Une boumeuse se plaint de ne pas entendre le discours. Bah casse-toi ! Je lui réponds. La manifestation s'est terminée paisiblement sans autre incident. Philippot est une baltringue qui ne prendra jamais le moindre risque politique. Alors ne misez rien sur ce cheval. Si je devais retenir une chose, le nombre et la violence déterminent tout. Tout ! Je ne parle pas d'agresser gratuitement des gens, mais d'être en mesure de se faire respecter. Si les Hébreux ont réussi à mettre l'Occident à genoux, alors nous aussi, nous pouvons soulever des montagnes en étant unis. Trouvez des camarades, montez des blocs et tenez le haut du pavé. Prenez des numéros de téléphone, faites des réseaux, bâtissez dans le réel. Battons-nous et Dieu nous donnera la victoire. Zigail, et c'est signé l'Arien en colère. Alors ça, c'est un témoignage en immersion donc de cette manifestation avec Philippot, où il y a eu une agression véritablement hein, de tous les Français qui ont essayé de porter la voix, c'est-à-dire de nommer, d'accuser le véritable responsable de tout ce merdier, quoi, c'est-à-dire le juif. Oui, enfin, en tout cas, d'interroger les Français sur qui pour le coup, qui aurait intérêt à faire tout ça. Qui vous qui parlez de Dreyfus, monsieur, qui? Alors, il y a un truc qui m'a bien plu là, dans le témoignage du camarade. C'est la référence à merci qui, Jackie et Michel. Alors, il faut savoir que les boomers sont des êtres particulièrement lubriques. Et alors, merci qui, merci Jackie et Michel, ça, c'est, tu vois, c'est un truc qui les fait tilter de suite. Ça parle à leur cerveau reptilien. Voilà, c'est immédiat. Donc, il est possible que s'il y ait des pancartes merci qui et que ces pancartes-là soient interdites, des boomers hein, qui soient bon, déjà à l'article de la mort, commencent à avoir des bugs au cerveau, si tu veux. C'est-à-dire que, ils disent, putain, mais attends, mais on peut plus dire merci qui, Jackie et Michel, etc. Il y a un potentiel assez énorme de dissonance cognitive au sein de ces cerveaux qui sont des cerveaux malades. Des factions, hein, on peut dire. Oui, malades. Loin, en fait. Et vraiment, les boomers, merci qui, de suite, ils ont les yeux qui brillent hein, quand tu dis ça. Hein. Ils ont les yeux qui brillent. Donc, s'il y a aux informations des photos avec merci qui et avec pour titre des pancartes antisémites répertoriées par Grunberg, etc., la LICRA, la préfecture de mes couilles, même le boomer confiniste va bugger. Donc il y a quelque chose à voir de ce côté-là. C'est ça, faut aller plus loin en fait. Là, je vais encore d'écouter un peu sur France Info les explications en fait, les pancartes qui sont antisémites. En fait, ils titraient, ils leur annoncent comme ça en fait, sans explication. Donc maintenant, les gens enregistrés dire qui c'est antisémite quoi. Ouais voilà, les juifs ont décidé, c'est comme ça. Il ouais, faut aller plus loin. Trois lettres, une ponctuation, trois lettres, un point de d'interrogation, c'est antisémite. C'est oui. Une syllabe est antisémite. Maintenant, nous sommes entrés dans le règne de la superstition, c'est-à-dire que ces sales juifs. On t'interdit une syllabe parce que c'est tabou. Alors, j'ai une petite nouvelle BFM TV, je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être que ça ne vaut rien. 27% des Français ne sont pas choqués par les pancartes antisémites, selon un sondage. Qu'est-ce que vous en dites? 27%, ça progresse? Est-ce qu'on va de l'avant? Je ne sais pas. Moi, je pense que... Je pense que c'est plus, moi. La plupart, Je pense que plus on est choqué. C'est-à-dire que, en fait, on a de la chance dans notre malheur. C'est-à-dire que le capital cognitif des Français n'est pas très. Ben, voilà. Il y a 27%, il y a 27% de musulmans en France. Il y a peut-être la moitié, mais je pense qu'il y en a une bonne moitié des 27% qui n'arrivent pas à faire le lien entre qui et effectivement l'antisémitisme en fait, particulièrement forcené. N'est-ce pas, Tristan, hein ? Tristan, quand on met le qui, ça veut dire qu'on est très antisémite. Ça veut dire très, très antisémite, Tristan. Hein ? Tristan, très antisémite. Ouais, là, j'ai un tweet que je trouve chez un certain Vincent Flibusti, qui est un macroniste, qui écrit aujourd'hui « Les antipasses sont invités à aller vivre en Afghanistan, ça fait le lien avec notre ancien thème, où il n'y a aucun pass sanitaire. Les maisons abandonnées par les Afghans qui ont fui Kaboul vous sont offertes en échange de la vôtre pour loger les migrants. Quittez enfin cette dictature française et allez vivre au soleil. » Donc, voilà, je voulais. Alors, écoute. C'est le Nord-Presse. Oui, mais sa proposition est plus alléchante qu'il n'y paraît. Ouais. Une forme d'asile politique pour certaines personnes. Non, mais je veux dire, t'as pas. Un pays musulman pour un autre pays musulman. Un pays nègre pour. Enfin, un pays négro-musulman pour un pays musulman, écoute. Voilà, d'abord, l'Afghanistan est aujourd'hui factuellement plus blanc que la France. Ce qui nous invite à une forme d'humilité, premièrement. Ensuite, la France musulmane, alors, les rues peut-être, le pouvoir certainement pas. Le soleil, indubitablement, c'est certain. Les femmes offertes aussi, peut-être, pour les nouveaux convertis, je ne sais pas. Mais, la place de la femme, c'est à la cuisine. Putain. Écoutez, moi je pense qu'il y a un énorme malentendu avec l'Afghanistan, je crois. Et il faut clarifier la situation avec nos amis talibans. Et quand on me dit aller en Afghanistan pour prendre les maisons des migrants qui vont en Europe s'établir, pour prendre donc nos maisons à nous pour devenir des homosexuels, transsexuels, tout ce que vous voulez. Écoutez, moi, j'ai tendance à dire que je vais prendre au sérieux cette proposition. De la part donc des macronistes, puisque elle émane d'un macroniste. Je prends au sérieux. C'est pas un macroniste, c'est un type de la France insoumise, enfin, c'est un gauchiste. Ah c'est oui, le mec de Nord-Presse. Oui, c'est le mec de Nord-Presse. La différence est-elle si grande? Bon, en tout cas, moi, j'ai tendance à dire que, en Afghanistan, Farniente, ouais. Je vais réfléchir. De toute façon, j'ai pas le choix, puisque les macronistes ne veulent pas me voir sur mes terres, donc j'ai pas le choix. Je pense que, oui, la majorité des Français, de toute manière, ont décidé que nous n'avons pas notre place en France, contrairement à Babacar. À Babacar Gaye. Voilà, c'est-à-dire qu'on est. Babacar Gaye est, ma foi, le français moyen. Hein. C'est le français du 21e siècle. Hein ? Il est plus français que toi. Voilà. Oui. Oussama Ben Laden n'a rien du Sud selon la définition strictement célinienne. Enfin bon. Oui, nous français ne sommes plus chez nous en France. Hein. Nous n'avons plus vocation à rester sur la terre de nos ancêtres. Nous avons vocation à céder nos terres, nos maisons, nos femmes aux migrants du Sud, hein, d'Afrique, du Moyen-Orient, et à trouver un pays qui acceptera de nous accueillir. Alors bon, voilà. Est-ce qu'il y aura un pays qui accepterait des Blancs, travailleurs, courageux, qui pensent qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme? Je pose la question, je sais pas, pas évident. Mais bon. Je veux bien tenter l'aventure. Je sais pas ce qu'il en est. J'ai hâte de voir les tweets de Tristan en train de rager parce qu'il y a des nazis de démocratie participative qui sont réfugiés en Afghanistan pour pouvoir jouir la liberté d'expression. Oui, mais à ce moment-là, à partir de l'Afghanistan, je ferai pas que des blogs. Ouais. L'entraînement. Ouais, je ferai d'autres choses. Développement personnel, on va dire ça. Voilà, développement personnel, ouais. Ah oui, attention aussi aux mines anti-personnelles. Oui, aussi, ouais, non, mais je pense que nos frères talibans comprendront la portée de notre engagement spirituel. J'en suis absolument sûr. Ouais. Vous savez, c'est une lutte globale, hein, et dans cette lutte globale contre le cancer juif, il y a quand même une communauté de pensée, quoi. Après, ich bin ein Berliner, je suis un Pashtun. Comment on dirait je suis un... Je ne sais même pas comment on dit en français, un habitant de Kaboul, quoi. Comment on dit un... Je ne sais même pas comment on dit ça, quoi. Mais, Un français. Ah. Heil Hitler. Et une dédicace spéciale pour les 16 Neck Boys 88.